accès au FLEM. Donc merci de venir participer à notre cycle de causerie qui a été durement touché par les événements de ces derniers mois. Donc on a fait très peu de choses. Là, on va voir comment ça se passe. Donc on a le plaisir de recevoir Chantal Champet qui va nous parler de la commune de Marseille, une commune beaucoup... Bon, la commune de Paris, il y a eu des tonnes de bouquins sur la commune de Marseille, c'est plus rare. Donc elle a édité une petite brochure que vous pourrez avoir, ça correspond un peu à ce que tu vas dire. Oui, c'est un petit résumé. D'accord. Et on a une autre amie qui a fait une brochure sur Gaston Crémieux, sur des textes de Gaston Crémieux dont Chantal va nous parler. Donc Chantal est membre de l'ALPMR 13, Association laïque pour la mémoire républicaine dans les Bouches-du-Rhône. Donc elle s'intéresse à toute l'histoire vue d'en bas, du peuple... des pauvres, des laissés pour compte, et pas de, l'histoire vue par en haut et des lentilles. Hein. Donc, elle travaille actuellement à un livre sur Alphonse Esquiros, un des personnages de la commune de Marseille dont elle va nous parler. Donc, il y a plusieurs personnages, Alphonse Esquiros, Gaston Crémieux, et puis sûrement d'autres. Et tu vas nous parler de tout ça. Alors Chantal, on s'est rencontrés, elle fréquente le CIRA pour faire des recherches en tout genre ici. Sachant que ceux qui ne connaissent pas le CIRA, on pourra leur expliquer après qui on est, ce qu'on fait, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, on ne ferme pas tout de suite, on reste encore un peu ici. Même si on ne fait pas comme d'habitude, on fait un pot. Là, c'est on va éviter, peut-être. Enfin, même sûrement, c'est on n'a pas prévu, de toute façon. Donc, Chantal, on s'est rencontrés entre autres au CIRA et puis à Vitrolles, où elle faisait une causerie ou une conférence, parce que là, c'était dans une médiathèque. Sur Louise Michel, tous les sujets, tous les centres d'intérêt avec lesquels on a des points communs. Alors, la commune de Marseille, vous allez voir, c'est... il y a quand même un anarchiste célèbre qui est passé, Bakounine, enfin il a fait que passer, il se cachait. Il n'a pas fait que passer. Tu nous donneras les détails. Bon, c'est un mouvement que j'aime bien. Ben, moi-même, j'ai écrit un petit texte, là, je pourrais vous le montrer, ça vous intéresse. Je vous donne la référence du bouquin, parce que c'est sur toutes les communes de France, enfin de Paris et de France, parce que on ne sait pas, mais il y a eu Marseille, Bordeaux, Lyon, Narbonne, oui. Justement, il y a des conférences dans pas longtemps, je parle du week-end, à Narbonne sur le sujet. Et ils sont beaucoup moins connus, et c'est des mouvements qui ont été courts dans le temps. Et Lyon. Ouais. Et mais qui ont autant d'intérêt que la commune de Paris. Et puis, bon, la répression a été terrible partout, tu vas nous dire. Bon, pas des massacres comme à Paris, mais enfin, il y a quand même beaucoup de victimes à Marseille, dont une victime expiatoire. Le pauvre, il avait tout pour républicain, juif et franc-maçon. Bon. Là, c'était vraiment l'exemple. Je te laisse la parole. Je suis très heureuse d'aborder ce sujet, en fait, parce qu'il a été très difficile cette année de pouvoir toucher le public sur ces questions. Alors, il faut savoir que la commune, parler de la commune de Marseille, d'abord, il y a une première difficulté, c'est qu'elle est mal connue, elle est peu connue, elle est mal connue. Il y a trois raisons à cela. D'abord, des raisons, on va dire, de source, puisque... ceux qui ont écrit, c'est qu'ont vécu la commune de Marseille, c'est valable aussi pour la commune de Paris. Eh bien, ils ont été persécutés, ils ont dû partir, et pendant des années, il y a eu une dure répression avec une censure terrible qui a fait que les écrits directs et les témoignages ne sont pas venus tout de suite, et de ceux qui l'ont vraiment fait. Hein. Et ensuite, ils n'ont pas été très écoutés, on ne leur a pas accordé beaucoup d'importance. Par contre, les écrits violemment anti-communards, eux, ont proliféré pendant les premières années de la décennie 70, et même après, hein, pour diverses raisons, ont continué à être crus, alors qu'ils contenaient beaucoup de mensonges et de déformations. Deuxième raison, c'est le problème de la transmission, de la place de ce phénomène dans l'histoire. le phénomène de la commune, que ce soit d'ailleurs aussi la commune de Paris, est vécu et traduit dans la grande histoire comme une sorte de révolte sauvage, désordonnée, effrayante, où le peuple sauvage un peu serait intervenu, alors que, en réalité, bien sûr, il y a une forme de violence, mais on verra qu'elle a été moins forte que ce qu'on a dit sur certains aspects, mais surtout c'est un effort, au contraire, où pour la première fois, le peuple va s'organiser pour tenter de participer au pouvoir et de le prendre. C'est la première fois, de façon très organisée, la forme la plus aboutie sera Paris, même si elle va souffrir de beaucoup de désordres, mais n'empêche que c'est la première fois que le peuple va prendre conscience de lui-même, de cette classe qui jusque-là n'avait pas accès au pouvoir ou même à la participation réelle du pouvoir politique. Et puis, un troisième aspect qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui de parler de la commune et que c'est difficile quand on veut s'y intéresser et avec un regard le plus objectif possible, c'est qu'il nous est parvenu par les classes populaires, par les partis politiques dits de gauche, ou certains extrémistes, et ce qui fait que cette mémoire a été sauvée par des idéologies. Aujourd'hui, il y a une lecture idéologique de la commune qui est faite un peu partout. Je ne dis pas ça à charge du tout pour ceux qui l'ont transmise, parce qu'ils ont le mérite, au contraire, de la transmettre, et parfois avec amour. On a, par exemple, les amis de la commune, on a aussi, qui se sont emparés à la fois des phénomènes et des personnages, on a aussi le mouvement libertaire, hein, vous le savez encore mieux que moi, et donc chacun ayant essayé de perpétuer la mémoire de ces personnages à travers ces idéologies, même inconscientes. Je vous donne un exemple dont on parlait tout à l'heure dans l'assistance, Crémieux, qui n'a jamais été ni libertaire, qui n'a jamais fait partie de l'Association internationale des travailleurs, et presque, à un moment donné, aujourd'hui c'est plus vrai, mais a été presque présenté comme un communiste, alors qu'il ne l'était pas du tout. De même, on a escamoté des personnages qui ont eu des actions sociales extrêmement intéressantes, qui ont devancé même la commune de Paris, comme on va le voir, comme Alphonse Esquivel, qui a totalement été oublié, alors que lui faisait partie du parti républicain. Et le parti républicain radicaux dit, pour certains modérés, alors qu'il va aller très loin dans l'essai de République sociale. Donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est de lire la commune en essayant de se dégager de ces grilles de lecture idéologiques, tout en ne perdant pas de vue que, de toute façon, c'est la partie constitutive de sa mémoire. Et de même, et j'arrêterai là pour les difficultés de comprendre, d'essayer de s'intéresser à la commune de Marseille aujourd'hui, on a aussi une autre grille de lecture, c'est celle des événements de Paris. La commune de Paris, c'est la commune de maire, c'est celle qui a eu la forme la plus aboutie, la plus importante, avec une répression la plus importante aussi d'ailleurs. Mais ce qu'on réalise peu, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement, comme l'a évoqué Félix tout à l'heure, de mouvements communalistes qui ont démarré bien avant. En fait, la commune de Paris, c'est le point d'orgue. Et un point d'orgue dramatique, magistral, qui va nourrir beaucoup de choses. Ce qui va être un objet d'étude, même pour Marx, qui va tirer les leçons. Mais elle vient après. D'ailleurs, c'est pour ça que quand elle va demander l'aide des communes, elle ne trouvera personne, parce que toutes les autres ont été écrasées. La dernière étant la commune de Marseille le 4 avril. Donc elle, quand arrive la semaine sanglante, à la fin du mois de mai, il n'y a plus personne pour défendre la commune. Mais en réalité, aujourd'hui, dans la recherche, je dirais, scientifique, universitaire, quand on s'y intéresse, on a beaucoup avancé. Quand Roger Vigneault, je terminerai sur ça pour les sources et on entrera directement dans le vif du sujet, quand Roger Vigneault reprend le sujet, il a un grand mérite parce qu'il va ouvrir les archives judiciaires, ce qui n'avait pas été fait. Les archives judiciaires des conseils de guerre de Marseille. On l'avait fait pour Paris, on ne l'avait pas fait pour Marseille. Et c'était très intéressant, parce que d'abord, il y avait eu avant lui très peu de travaux, il y avait eu une thèse dans les années 50, qui par Antoine Olivesi, alors là aussi, qui n'a pas été très estimé parce qu'il était, je crois, socialiste, quelque chose comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, on revient à certains points de ses analyses étaient très justes. Et il n'avait pas tous les documents que nous avons aujourd'hui. Et Roger Vigneault, ben, c'est carrément le premier travail original qu'on a eu après. Il y a eu ce grand mérite, ensuite, de reconstituer le procès, et comme il était avocat, je ne sais pas si c'est sa thèse ou quoi. Et en tout cas, il a bien travaillé, il a travaillé aussi avec les francs-maçons de l'époque, les avocats, il y a beaucoup d'avocats qui sont francs-maçons, qui lui ont ouvert des archives. Donc, son travail est très intéressant. Mais il y a un danger à se limiter à ce travail. Il ne présente que des archives judiciaires, c'est-à-dire les archives, au fond, qui ont été ordonnées par la réaction, par toute cette série de procès qu'il y a eu, et qui a fait comparaître des gens qui n'avaient aucun rapport d'abord avec la commune, ou, au contraire, qui étaient simplement républicains. Mais c'est très intéressant parce que une relecture de ces archives nous montre qu'est-ce qu'ils identifiaient comme communards à l'époque. Et vous verrez que ce n'est pas seulement les personnes qui se sont révoltées les armes à la main en mars 1871, mais qui s'est englobé des gens qui avaient travaillé dans les années précédentes. On en reparlera. Donc, apport important du travail de Roger Vigneault, et aujourd'hui, il y a un élargissement, puisque les nouvelles études inscrivent le mouvement de la Commune de Paris et même de Marseille dans le mouvement européen. Ça correspond à un mouvement général qui s'est traduit de façon différente, avec plus ou moins abouti, dans différents endroits d'Europe, parce qu'il y avait une maturation des peuples, après 80 ans après la révolution de 1789 qui avait essaimé dans toute l'Europe, qui avait déstabilisé, on ne va pas en faire l'histoire, mais c'est pour vous expliquer que la lecture de la Commune de Marseille aujourd'hui dépend de ce que nous savons. Elle va encore évoluer, mais ce qu'on a vu ces dernières années est très intéressant, ça dégage un petit peu de tout ce qu'on a raconté. Alors, une des premières choses, justement, un peu différente, j'ai relié, vous voyez, j'ai marqué de la révolution de septembre 1870 à la résurrection de mars 71. Et c'est bien sûr volontaire. En réalité, il s'agit d'un même mouvement qui avait commencé un peu avant, d'ailleurs, mais qui, en sa forme révolutionnaire, va commencer vraiment en août, on va dire, 1870. Aujourd'hui est un jour particulier, nous sommes le 4 septembre, il y a exactement 151 ans, et 151 ans, pratiquement à la même heure, je vous montrerai le document tout à l'heure, on déclarait à Marseille, on déclarait la République, et sans attendre le télégramme de Paris. C'est-à-dire un peu après Paris, Lyon l'avait fait un petit peu avant nous, vers les 2 heures, mais on va le faire à 4-6 heures. Et on ne met pas trop de pression de la réglage, mais on sait à quel moment on a des repères, les archives. Alors là, c'est les archives, enfin, il y en a plusieurs, mais une des plus émouvantes que je vous montrerai, c'est le rapport du conseil municipal, enfin, le compte rendu du conseil municipal, parce que ça se passe à l'hôtel de ville. Donc voilà. Et cette république qui va être installée, c'est un immense espoir pour la population de Marseille et pour la population de la France, puisque au même moment s'est passée à Paris la même révolution, une révolution où il n'y a pas de morts. Ah, il y aura des morts plus tard, mais à Paris, ce jour-là, l'Assemblée nationale se réunit, mais ça s'appelait à l'époque le corps législatif, mais ils ne se réunissent pas du tout pour la République, hein. L'empereur est prisonnier. Ils se réunissent pour essayer de mettre sur pied un conseil de régence. Une fois, une réunion, il n'y arrive pas. Et le peuple s'amasse, il y a Louise Michel qui raconte tout ça, elle est dans la foule. Elle, hein. Et à un moment donné, ce peuple va envahir l'Assemblée nationale. Ben, les Bourbons, non seulement ils ne vont pas se contenter de se mettre dans le public, hein, ils vont descendre dans l'arène. Et à tel point que les quelques députés qui sont, on en reparlera de cette élection de 1869, à peu près 10% seulement de l'Assemblée qui est républicaine, hein, les autres ce sont des conservateurs, et voire des monarchistes, et vont se mettre au milieu, et Gambetta va crier, parce qu'un jeune homme va crier « La République ! Nous voulons la République !» du haut des gradins. Et quand Métal lui dit, oui, la République, allons à l'hôtel de ville, ils vont aller à l'hôtel de ville où sera déclaré officiellement l'hôtel la République. Et ça fait, il n'y a pas de mort. Il y a bien quelques bousculades de policiers qui gardaient l'Assemblée, mais c'est tout. Donc, à Marseille, même phénomène, nous verrons. Donc, c'est cette République-là qui est en jeu. C'est l'enjeu de toutes les communes que l'on va voir à partir de cette période. Et ça, on ne nous le dit pas dans l'histoire. Pierre Nora, qui est un grand historien, qui avait créé cette notion de lieu de mémoire, elle nous a fait un papier assez indigne, il y a quelques mois, en disant que les communes ne faisaient pas partie de l'histoire nationale, des lieux de mémoire nationaux. Par contre, il incluait Napoléon, qui lui avait détruit la République. Donc, et puis, il s'était oublié que toutes nos républiques, jusqu'à cette époque-là en tout cas, ont été faites par des révolutions. Donc, une révolution et des insurrections. Donc, les communes font partie intégrante de l'histoire de France et de l'histoire de Marseille. Alors, pour comprendre ce qu'a été la commune de Marseille, il faut comprendre ce qui se passait à Marseille en 1870. Alors, je n'ai pas la prétention, si peu de temps, de vous expliquer tous les détails, tous les personnages. D'ailleurs, je ne sais pas tous. Mais je vais essayer de vous donner des éléments pour comprendre les enjeux, les diverses forces en présence et pourquoi il y a eu des combats si durs. Et ce qui apparaissait un désordre comme ça sans logique avait en réalité une logique. Une logique assez terrible, mais elle y était. Alors, Marseille, en 1870, elle est encore sous l'Empire. C'est un empire qui, depuis quelques années, Napoléon en 51, je résume pour ceux qui n'ont pas obligé d'avoir toutes ces notions d'histoire, mais la République, en 1848, il y a une République qui va être détournée. Et en 1851, Napoléon, celui qui va devenir Napoléon III, Napoléon Bonaparte, va faire un coup d'État et va se saisir d'un pouvoir personnel qui va mener très durement pendant une dizaine d'années. Et en même temps, ça va correspondre à une période d'industrialisation et d'enrichissement de la France qui fait que ça va contenter les classes, on va dire les classes dirigeantes et certaines classes moyennes, ça va tenir. Mais à la fin de son règne, donc à la fin des années 60, ça ne va plus du tout. Et il va libéraliser un petit peu la vie politique du pays, mais ça va se retourner contre lui parce que ça va donner l'occasion à l'opposition de s'exprimer, au débat politique de reprendre avec violence, notamment à Marseille. Et c'est cette arrivée à la fois de l'expansion économique et de l'affrontement politique qui caractérise ces années 1868 à 1870, dans lesquelles va naître la commune de Marseille. Alors, c'est l'époque, Marseille va se développer après Paris, c'est un peu normal. Hein. Donc pour elle, le grand développement, c'est les 10 dernières années du règne. C'est l'époque déjà, en 1800, je lis pour les dates exactes, hein, pour ne pas vous dire trop de bêtises. Bon, déjà la gare Saint-Charles existait en 1848, elle va être agrandie. Le port de la Joliette date de 1845, donc tout ça avant Napoléon, hein, mais ils vont être agrandis, on va ajouter des bassins, on va ajouter la gare qui n'avait qu'une voie, va en avoir plusieurs halls d'arrivée. Et à partir de 1851 et des années 60, vont arriver à Marseille les capitaux parisiens. Jusque-là, c'est un capitalisme local, de grandes familles, et d'ailleurs avec des petites entreprises, et finalement, avec un certain équilibre fragile. Hein. Mais en 10 ans, avec l'expansion coloniale, qui avait été induite par l'invasion de l'Algérie notamment, l'activité portuaire va se développer. Alors le palais de la Bourse que vous voyez là est inauguré en 1860 avec les autorités religieuses et Napoléon III d'ailleurs. Le palais de Longchamp, en 1961, le palais du Pharaon qui va être offert, le terrain va être offert à l'impératrice Eugénie, hein, Et puis, bien sûr, la cathédrale la Majeure, donc tous les pouvoirs, avec cette expansion, les grands hôtels particuliers, il y a des grosses fortunes qui se font. Et il y a aussi la nouvelle Majorne hein, qui est faite toujours en 1852, où on voit déjà les premiers bassins de la Joliette. Et toutes les institutions, que ce soit les institutions de l'État, les institutions économiques, vont rivaliser de magnificence à Marseille en 10-15 ans. Et la ville va s'embellir, elle va s'agrandir, s'embellir, et au fond, montrer une richesse insolente. Mais une richesse évidemment très très mal répartie. On a par exemple le pouvoir essaie lui aussi de montrer, là vous avez le palais de justice qui vient d'être juste terminé avant la préfecture, et on a aussi le palais préfectoral. Le palais préfectoral est un monument que les Marseillais, le petit peuple marseillais a ressenti comme un scandale. Pourquoi ? Parce qu'il remplaçait l'ancien palais. Il était construit par le préfet Charles de Maupas. Charles de Maupas a été un de ces préfets de police de Paris qui avait organisé la prise de pouvoir de Napoléon. Donc vous imaginez, quand il vient ici, il représente le pouvoir impérial. Ce palais, il est ruineux. Alors je n'ai plus les chiffres ici, hein, mais quand nous faisons le circuit, urbain, de la commune de Marseille, là en général on cite les chiffres qui sont faramineux. Et à tel point il y a des malversations, qu'il exagère tellement que même les grands notables de Marseille se choquent, et Napoléon est obligé de le rappeler. Donc au moment des événements il ne sera pas là, il sera remplacé par un préfet très conservateur qui s'appelle Levert, Charles Levert, mais qui ne vit pas dans cette magnificence. Donc, des bâtiments de pouvoir économique et du pouvoir politique très puissants, qui en imposent à la population. Et justement, cette population est à la fois beaucoup plus nombreuse. On passe en 10 ans, on passe de 200 000 à 300 000 habitants. Et ces 100 000 habitants, évidemment, ce sont des travailleurs à la majorité. Ce sont des travailleurs immigrés. Alors, on a la première migration italienne. Alors, le fort de la migration italienne va venir plus tard. Mais on est déjà, on va dire, en 1870, on est autour de 60 000 Italiens. Mais ce sera beaucoup plus nombreux après. Hein. Mais la majorité, c'est une migration intérieure. Ce sont les gens du Var, du Vaucluse, beaucoup de familles provençales. C'est pour ça qu'il y a aussi un aspect provençal à Marseille, et qui vont s'installer là parce que pour travailler, parce que les grands travaux, cette politique de grands travaux, ces usines, ces grands les chantiers navals, etc., les premières aciéries, etc., font que cette population afflue, mais elle n'a aucune protection. Elle est à la merci de ce capitalisme qui n'est plus le capitalisme ancien, de ces patrons qui étaient très durs mais qui connaissaient leurs ouvriers plus ou moins. Au contraire, ce qui symbolise ces bouleversements défavorables à la classe ouvrière, c'est la construction de la rue de la République. C'est à la fois un appel hein, d'ouvriers, mais c'est une catastrophe sociale pour beaucoup de la petite population marseillaise. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils sont chassés de leur quartier, hein, tous ces grands travaux. On les chasse du centre-ville. Pour la percée, par exemple, près de 1000 bâtiments, 1000 logements vont être détruits. Et 16 000 personnes expulsées, pour la plupart des locataires, sans indemnité, sans rien. Et les loyers sont très très chers à Marseille. Et ils vont aller dans des quartiers périphériques qui vont devenir des quartiers révolutionnaires. C'est pour ça que je les cite. Vous avez, alors, la Belle de Mai, mais dans une petite mesure. Elle le deviendra dans les années 70-80, elle. Avec Clovis Hugues et le parti des ouvriers, et plus tard. Mais à ce moment-là, c'est surtout Andoum, le Rocasse Blanc. Ce sont des collines, hein. On a mis à l'extérieur les verres. Ça a beaucoup changé, oui. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais vous verrez les adresses tout à l'heure. Il y a le Rocasse Blanc, le pharaon Bakounine va se réfugier au Catalan. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est le quartier ouvrier. Pourquoi c'est les cabanes à l'époque, hein? C'est les cabanes, on est hors les murs de Marseille. Les murs de Marseille, ils s'arrêtent à Saint-Victor, vous voyez, c'est le Fort Saint-Nicolas qui termine de ce côté-là, là. Et tout le reste est dehors. Saint-Victor est déjà dehors. Et donc, vous avez Andoum, ça, c'est le quartier sud. D'ailleurs, on croyait que le port, les capitalistes marseillais de la chambre de commerce vont faire des procès très nombreux à la compagnie des docks, qui eux sont des capitaux parisiens, et ils pensaient, eux, la chambre de commerce voulait faire le port dans le sud. Vous voyez, donc c'est, on discute d'urbanisme un peu, il y a beaucoup de points communs avec notre époque d'ailleurs. On discute beaucoup d'urbanisme à l'époque. Hein. Donc ça, c'est le quartier sud. On a un petit peu donc, à la baisse de mai, mais surtout c'est même Menti, parce qu'on a mis des nouvelles industries là-bas aussi. Hein. C'est même Menti, la Capelette, grand quartier. De socialistes, libre-penseurs, la Capelette, hein, qui va le montrer dans les années 1872 après. Et puis le troisième. Vous voyez, c'est des quartiers périphériques, mais qui sont. C'est la première ceinture industrielle. Oui, même Petit, la Capelette et les quartiers sud, hein, voilà, en gros. Et une partie de la Belle de Mai. Ah, il y a aussi. Encore dans les vieux quartiers, il y a quand même encore dans le vieux Marseille, il y a encore aussi une population très pauvre, hein, le Panier, etc. Il y a encore beaucoup de gens. Donc, une catastrophe pour le salariat, cette construction. Voici par exemple une rue qui a été détruite, ça s'appelait la rue de l'œil de bœuf. Alors, on doit toutes ces photos à un grand photographe marseillais qui s'appelait Théris. Et qui a laissé toutes ses archives aux archives départementales. Et aujourd'hui, on peut voir. Alors, pourquoi cette rue est intéressante? Parce que dedans, il y avait la plus vieille verrerie marseillaise. C'est-à-dire qu'en détruisant toutes ces vieilles rues, on n'a pas détruit que des vieux logements. On a détruit des industries, des ateliers, des commerces, sans indemnité, évidemment, et sans remplacement. Et donc, en 1872, on a aussi, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on a un rapport médical du docteur Morin qui décrit les conditions épouvantables des ouvriers dans les fonderies, de celles des mineurs, des travailleurs de la soude, des savonniers. On peut parler de l'enfer des savonniers, hein, qui travaillaient comme au XVIIIe siècle dans les grandes étuves, tout ce qui travaille dans les huileries, si vous voulez. Hein. Donc voilà. La condition en 1870, du moins jusqu'en 68, bien sûr vous pensez qu'il va y avoir une réaction, et la réaction c'est qu'il va y avoir de plus en plus de contestataires et des groupes progressistes qui eux vont défendre ces classes populaires. Le dernier aspect des ouvriers à Marseille, il ne faut pas les imaginer, et là aussi comme à Paris, ils sont pas tous dans, il y en a qui sont dans quelques grandes entreprises, mais les plus nombreux sont indépendants. Ils sont journaliers, on les embauche à la journée comme ça. Voilà. Ils sont soit petits artisans indépendants, soit employés à la journée directement. Et quand les grands capitalistes de la rue de la rue impériale, qui est la rue de la République aujourd'hui, vont jouer sur les coûts de la main-d'œuvre, vous voyez, c'est pas nouveau, ils vont se revendre les contrats, et à tel point qu'à un moment donné, en 1867, l'avocat Gaston Crémieux, qui vient de Nîmes, et qui est un jeune avocat qui a été traumatisé de voir la situation ouvrière marseillaise, hein. Quand il va essayer d'aider un groupe qui n'a pas été payé. Donc il va rédiger un mémoire qui est conservé aux archives et dans lequel il va dire, mais ils n'ont pas, personne ne veut les payer puisque chaque société se rejette la responsabilité. Le verre d'ailleurs ne va pas intervenir. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont essayer. Alors, ils vont s'organiser. Une des plus anciennes organisations, ce sont les francs-maçons. des francs-maçons qui ne sont pas tous, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs tous républicains. À Marseille, ils le sont en majorité. Ils sont certaines, il y a une dizaine de loges et certaines sont conservatrices, mais la plupart sont, sont républicaines, vont être des lieux de résistance à Napoléon et des lieux d'élaboration de programmes pour aider la population à s'instruire. On n'a pas le temps de donner les détails, mais c'est des travaux pendant des années hein, qui vont avoir lieu. On a aussi plusieurs progressistes vont appartenir à la plupart de ces organisations dont je parle maintenant, les francs-maçons, mais aussi l'Association internationale des travailleurs. Alors, elle est représentée à Marseille par Bastelica, communiste, bien connu, qui a des dons d'organisation et qui va beaucoup aider à organiser les chambres syndicales. Alors, j'ai vu dans les quelques documents que j'ai pu lire de lui qu'il s'est attribué le mérite d'avoir organisé toutes ces chambres. Il me semble que c'est un petit peu exagéré parce qu'il n'a pas été le seul, dans la mesure où même Gaston Crémieux, qui n'appartenait pas à l'association, à la IT, je veux dire à IT pour le public, a aussi, lui aussi, rédigé les statuts de ces associations. Il y a un grand mouvement qui est fait de la part de, en tout cas, de l'association, de l'AIT des francs-maçons, de beaucoup de francs-maçons, pour aider celui-là. Un autre mouvement, c'est les libres-penseurs. Alors, les libres-penseurs à Marseille, à cette époque, et l'histoire de la libre-pensée est aussi à refaire, hein, et on imagine beaucoup de choses qui parfois sont fausses, eh bien, les libres-penseurs à Marseille ont été organisés pour la première fois par Le Ballorvillier, qui était un blanquiste. Alors, les blanquistes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des révolutionnaires, c'est les adeptes de la révolution permanente. Si vous voulez, je simplifie toujours un peu, hein, parce qu'on n'a pas le temps de... Vous me pardonnerez les approximations, de façon dans les discussions, pour en revenir. Voilà. Et donc, il y a énormément de clubs, qui, selon les affinités politiques et religieuses ou non religieuses d'ailleurs, vont œuvrer. Les libres-penseurs rejoignent les francs-maçons et l'AIT pour la formation ouvrière. On le verra, je vous donnerai des exemples. Ils veulent une éducation populaire. La classe ouvrière doit s'instruire pour pouvoir comprendre, pour pouvoir combattre et défendre ses droits. Alors, je vais terminer par le paysage politique au moment où la commune va éclater. Et c'est des éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Alors, à Marseille, en 1870, il y a encore des bonapartistes. Les bonapartistes, ce sont avant tout les commerçants. Alors, là aussi, on schématise, hein, ça souffre de déception, mais en gros, grosso modo, ils sont minoritaires, mais une forte minorité, surtout très bien installés. Ce sont les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires, parce qu'ils doivent tous faire un serment à Napoléon. La magistrature, une magistrature complètement dévouée à Napoléon, et ça c'est très important pour comprendre la suite. Mais aussi, bien sûr, le personnel politique et tous les personnels dépendants de la préfecture. Donc, minoritaire, mais très puissant à ce moment-là, avec une police extrêmement dure. Mais l'opposition, elle, est la plus nombreuse, elle est majoritaire, mais elle est fragmentée. Et là aussi, on a un petit peu des aspects du Marseille d'aujourd'hui. On a, en partant de l'extrême droite, on a les monarchistes, mais les monarchistes sont très divisés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à cette époque-là, parce que Napoléon avait pris une position sur l'Italie, et on a deux groupes qui, à Marseille, se traduisent par des rivalités, même s'ils se rejoignent à certains moments pour combattre les républicains. On a ce qu'on appelle les légitimistes, qui veulent le rétablissement de la royauté absolue, si vous voulez, à la Louis XIV, et qui est incarné à Marseille par les très puissants et très riches jésuites, qui sont près du Combezin, là-bas. Ils ont l'église de la mission, ils ont des écoles, ils animent des clubs, ils financent le journal des légitimistes catholiques, qui est la Gazette du Midi. Ils sont très puissants, mais on a aussi l'évêché. Alors l'évêché, c'est un peu différent. Il est plutôt favorable à ce qu'on appelait les orléanistes, c'est-à-dire des royalistes qui eux veulent une royauté à la Louis-Philippe, c'est-à-dire avec voilà, mais c'est-à-dire limité par des textes législatifs. Voilà, donc, ils sont prêts à s'allier à ce qu'on appelle les républicains libéraux, ceux qui veulent une liberté politique, si vous voulez, mais surtout pas toucher à l'ordre social. Et c'est ce qu'on appelle les républicains, les libéraux, les orléanistes, donc, et les libéraux, les républicains qui veulent une révolution, mais juste politique et la liberté, et les légitimistes, les orléanistes qui veulent une monarchie un peu libérale. C'est les gens qui soutiennent, par exemple, Thiers, Ferdinand de Lesseps, des gens comme ça. Et puis on a les forces progressistes les plus avancées, qui sont les républicains radicaux, les républicains socialistes, et qui eux-mêmes se divisent, évidemment. On a les révolutionnaires, qui appartiennent à un club qu'on appelle le club de Montebello, et puis on a, qui est animé majoritairement par les blanquistes, on va dire, il n'y a pas que ça, hein, mais grosso modo. Et on a aussi les radicaux socialistes, qui deviendront les radicaux socialistes, qui eux, attention, veulent aussi une réforme sociale, hein. On va le voir. Il n'y a pas uniquement cette réforme, cette question de la réforme sociale, elle va hanter toutes ces années-là. Elle est l'enjeu. Elle est l'enjeu de ces révolutions et de ces communes. Un des enjeux majeurs. Voilà. Alors, ça va se traduire politiquement par une union libérale qui va être dirigée par les hommes d'affaires, le journal, le sémaphore. Et puis des républicains qui vont s'unir dans une union démocratique, une union démocrate qui, elle, va, pour une fois, parce qu'elle s'est unie, va gagner les élections et va envoyer Gambetta et Esquiros comme députés en 1869 au corps législatif. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte-là que va éclater les événements de la commune. Alors, je vais vous montrer rapidement pour illustrer ce que j'ai dit. Voilà les portefaix. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur eux, mais les portefaix, c'était les plus riches. C'était les corporations les plus riches des travailleurs du port. L'arrivée de la compagnie des docks les ruine complètement, parce qu'ils ont des machines et surtout qu'ils prennent des gens non qualifiés à très très très bas prix. Et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de grèves et de révoltes. À ne pas confondre avec les dockers, hein, ceux qui travaillent à la compagnie des docks. Alors ça, c'est une brasserie de l'époque. Les brasseries ont servi de lieu de réunion. Hein, ils n'avaient pas de réunion officielle. Donc c'était dans divers bars. Voici quelques publications. Je vais les prendre en gros parce que sinon je n'arrive pas à lire. Voilà, quelques publications qui sont faites. Alors par exemple, vous avez les écrits de Royanès. Royanès qui était à la fois libre penseur, membre de l'International, et il était blanquiste au départ, il était proudhonien. Et c'est surtout un grand socialiste et qui deviendra le beau-père de Clovis Hugues d'ailleurs. Et puis voilà les écrits de Bastelica, hein, qui est très impliqué lui aussi dans, on n'a pas le temps d'en parler, mais dans la très belle initiative de l'association phocéenne de l'enseignement créée dans le mouvement de la loge de la réforme de Gaston Crémieux. Et il diffuse à Marseille. Marseille, il y a beaucoup, beaucoup de productions. Petit à petit, ça, ce sont des rééditions qui sont faites avec la Bibliothèque nationale, soit imprimées d'ailleurs en même, ce n'est pas toujours bonne. Mais bon, on en a quelques-unes là. Et ça permet de retrouver des textes avec des choses très intéressantes. Ensuite, vous avez à côté la demande d'autorisation d'une réunion à l'Eldorado pour étudier l'organisation des chambres syndicales. Vous voyez ? Donc là, on est en avril, hein, on est avant la République. On a ici la liste nominative sur la gauche de l'association phocéenne de l'enseignement. Elle est très importante parce que c'est la première fois grâce à Crémieux et ses amis, une association va inclure des ouvriers dans ses organes de décision. Ça a été tout un combat. Et les modérés, les réactionnaires vont créer une autre association rivale qui enseigne à peu près les mêmes choses, mais pour celle-là, s'occupe réellement de l'éducation populaire et d'instruire la population dans les domaines de l'histoire, le peuple, etc. Et d'ailleurs, le document est intéressant parce que ça, c'est la demande d'autorisation et le préfet de sa main a dit « vérifier la bibliothèque ». Oui. Effectivement, ils ont des auteurs pas très catholiques, hein, genre Esquiros, je ne me rappelle plus, mais voilà, il y a des auteurs qui ne plaisent pas tellement, et qui, à mon avis, n'étaient même pas tous déclarés, hein, les auteurs. À côté, voici une réunion à Amboum, vous voyez, dans le quartier populaire. On a, elle date de 66, c'est une réunion publique, organisée par les libre-penseurs, et il est dit, a effet d'étudier les moyens d'assurer l'instruction des travailleurs. Donc on est dans une phase où il y a des efforts, et Marseille est une ville qui bouillonne. Parce que tous ces groupes, bien sûr, grâce aux journaux, ils discutent entre eux, mais vous pensez bien que le peu qu'on a vu de leurs idées, ça provoque quand même des clivages et des heurts. Et ce qui est dramatique pour la classe populaire, le plus dramatique pour elle, c'est la division des forces progressistes. Puisque elles sont à l'œuvre, mais n'arrivent pas toutes, même si certains acteurs passent de l'un à l'autre, elles ne sont pas toutes soudées et vont le payer très cher au moment de la commune. Je vais continuer un petit peu. Voilà. Alors, arrive le 4 septembre. Comment, alors... Le 4 septembre, je vais dire deux mots puisque je vous en ai parlé au début, mais il faut savoir que Napoléon a décidé, a accepté de déclarer la guerre à la Prusse, mais en réalité, il n'a pas les moyens de la gagner, cette guerre. Alphonse Esquiros et même Thiers vont voter contre la guerre. Parce que Thiers a toujours été quelqu'un d'assez réaliste. Et ils vont voter contre, mais il n'est pas écouté, la guerre est déclarée et... Contrairement à ce qu'on dit à l'opinion publique à travers les journaux, on va de défaite en défaite. Et en août, par exemple, le 7 août, arrive à Marseille l'annonce de la défaite de Forbach. Et cette défaite, c'est pas une bataille très connue, mais elle pose problème, parce qu'elle arrive après une succession d'autres. Elle pose problème parce qu'elle ouvre le territoire à l'ennemi. Et c'est ce qui va se passer, hein, les Prussiens vont passer. À partir de là, ils vont envahir le territoire. À Marseille, c'est l'effervescence, on est consternés, on crie à la trahison. Et Gaston Crémieux et ses amis, les membres, alors il y a Bastelica hein, dedans, les membres de l'Association internationale des travailleurs, mais aussi les républicains radicaux organisent des manifestations. Demander des comptes au préfet, des armes, et Gustave Naquet, qui est le directeur du journal républicain, est reçu par le préfet, qui le renvoie par de vagues promesses, mais surtout il est arrêté, et de nouveau, les républicains et les révolutionnaires se réunissent, forment un comité, et le lendemain, ils se tournent vers l'hôtel de ville et la préfecture. L'hôtel de ville est envahi, c'est facile, il est vide. On envoie, alors je passe sur les événements, Gaston Crémieux prend la tête, hein, c'est lui qui part du balcon de la rue Bacon pour canaliser la foule. Donc il entraîne, la foule se débande assez vite, et Gaston Crémieux qui est dans l'hôtel de ville va rédiger une lettre. Et il va passer en conseil de guerre, la police va éparpiller tout le monde, et avec une quinzaine de personnes, il passe en conseil de guerre, et il va être condamné à 6 mois. Alors on va dire qu'il écrivait une lettre pour avoir des renforts, pour défendre le territoire. En réalité, on n'envahit pas un hôtel de ville pour écrire une lettre, hein, mais il était un très bon juriste. Et donc il est condamné à quelques mois, Mais le 4 septembre, donc, c'est la révolution, c'est la révolution républicaine, comme je vous l'ai dit, qui arrive. Alors là, je vous ai montré, c'est une gravure anglaise qui prétend montrer Marseille à cette époque, mais elle a d'intéressant. C'est pas tout à fait la mairie, donc je suis sûre que c'est pas Marseille, mais ce qui est vrai, c'est que c'est l'époque du télégraphe, du chemin de fer. Ça va jouer un rôle très important, la technologie pour la première fois, dans les événements à la fois de la guerre et de la révolution. Et la vie politique et révolutionnaire va être rythmée par l'arrivée de ces dépêches et de ces qu'on imprime tout de suite et qu'on affiche à la mairie et dans les grands points de rencontre de Marseille. Donc, Gaston Crémieux va être délivré par cette République qui est... Alors là, je vous ai montré son portrait, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voici la prison Saint-Pierre où il est incarcéré. Elle existe toujours, mais elle est devenue... Elle n'est plus prison, évidemment. Elle est devenue le centre, oui, c'est ça, le centre de sécurité sociale. Voilà. Donc, les bâtiments extérieurs existent, mais l'intérieur, là, non, par contre, ça n'existe plus, c'est les cellules de l'époque. Voilà, je vous ai mis, alors je ne sais pas si vous allez lire, mais c'est le compte rendu de la séance du 4 septembre. Alors, je vous ai mis la séance de 2 heures, parce qu'il y aura 2 séances, une à 2 heures, une à 9 heures du soir. Donc, une à 9 heures, ce ne seraient pas tout à fait les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que... Voici ce qu'il dit, voici ce qui est écrit à la fin. Le conseil s'est réuni, a désigné le maire parce qu'ils étaient bloqués, puisque dans les élections, Marseille avait désigné, j'ai pas eu le temps de vous le dire, on avait désigné que les républicains, tout le conseil municipal est républicain, on est encore sous l'Empire, hein. Donc on ne leur avait pas donné la permission de se réunir. Là, le préfet Levert est obligé de leur donner la permission, donc ils se réunissent, nomment le maire, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que une foule entoure l'hôtel de ville. C'est le peuple marseillais qui envahit la salle. Vous voyez, ils disent, en ce moment, on entend les rumeurs d'une foule innombrable, stationnant devant l'hôtel de ville et protestant contre la... Ah, j'arrive pas à le dire. Pour être l'objet... Voilà. Et ce qui compte, c'est un grand nombre de voix se font entendre, criant « Vive la République !» La séance s'est levée. La séance s'est levée parce qu'on le sait, la foule a envahi l'hôtel de ville. De toute façon, 3 membres du conseil, Gustave Naquet, Louis Delpech et Maurice Rouvier, déclarent la République à ce moment et la foule envahit. La foule envahit l'hôtel de ville, puis elle va se tourner vers la préfecture, etc. Pas de mort non plus. Donc, on va délivrer dans la nuit Gaston Crémieux et on va s'en prendre à tous les... Le lendemain, ça va se passer un peu plus mal parce que on va s'en prendre à tous les symboles de l'Empire. La statue qui se trouvait dans la chambre de commerce, qui était toute dédiée à Napoléon III, une statue de plusieurs mètres qui était se trouvait au premier étage, va être détruite. On la tire avec des cordes, on la détruit. On arrache aux commerçants, je vous ai dit, il y avait beaucoup de commerçants bonapartistes, on arrache tous les faisceaux, les drapeaux avec des aigles, et se tourne vers la préfecture aussi. D'ailleurs, dans les jours suivants, on fera abattre le médaillon de Napoléon qui surmontait la préfecture. Le préfet Maupas avait fait, qu'il avait rendu visible de toute la rue Saint-Fé, est en face. Voilà. Et à cette occasion, on reconnaît, il y a un policier à cheval, parce qu'à Marseille, c'était une police à cheval qui fouettait les gens avec des bâtons très durs. Et il est descendu de son cheval et il est quasiment lâché, il mourra le lendemain. Ça, on est le 5 là. Hein. Et de même que un commissaire de police qui avait été très. Qui avait persécuté, parce que des militants ont été reconnus, il a été battu et on va le retrouver le lendemain pendu dans sa cellule. On ne saura jamais s'il a été. Si ça a été une exécution sommaire ou si c'est pendu lui-même, on ne sait pas. C'est les deux seuls morts de la période, mais du coup, Gambetta va envoyer quelqu'un pour ramener l'ordre, et il va se tourner vers qui? Il va se tourner vers Alphonse Esquiros, qui est le député de Marseille, comme lui, d'ailleurs. Et là, il va y avoir un malentendu. Alors voilà la préfecture avec le médaillon, qui aujourd'hui n'existe plus. Si vous voyez la préfecture, c'est une porte vitrée, est-ce que on peut voir là? Et vous voyez en haut, au-dessus du clocher, il y a un homme à cheval, parce que c'est un bon vieux. Eh bien, c'est Napoléon III avec tous les insignes impériaux. Hein. Je ne vais pas le temps de vous détailler, mais il y a tout ce qu'il faut pour dire ça, c'est l'empereur. Hein. Et on a tous les intendants de province, parce qu'il s'est posé à Marseille en successeur du roi. On a tous les intendants de province. Vous voyez donc la puissance affirmée par l'architecture du bâtiment. Et donc, on va envoyer Alphonse Esquiroche, qui est un républicain radical, puisque c'est les radicaux qui l'avaient proposé, mais il y a un malentendu. Alphonse Esquiroche, c'est un ancien de 48, c'est un républicain révolutionnaire en réalité. Il a beaucoup souffert et beaucoup tiré de leçons de cette révolution de 48, où il était sur les barricades de juin, d'ailleurs ces fameuses barricades, on les voit là. Je les montre en ce moment que je fais les conférences parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de les voir. Les premières photos de barricades en France, elles sont là. C'est les barricades de la rue Saint-Maur en 1848. Dans le faubourg du Temple, c'était le parti d'Esquiroche. Esquiroche va voir mourir à côté un député, son ami Baudem, qui voulait défendre la République dans ces journées de juin. Et ça, c'est avant. C'est le 25 juin, pardon, et ça c'est le lendemain. Alors, c'est éventré, il y a de la fumée, etc. Et vous savez qui on a envoyé dans cette rue? C'est pas au hasard, on a envoyé la Mauricière, c'est-à-dire le chef des armées coloniales qui avait soumis un tel cadavre. On a en fait, pour les peuples, on voit un petit peu, on fait le rapport des forces qu'on envoie contre l'expression populaire. Donc, il ne s'est pas souvenu dans l'État que c'est cet homme-là qui l'a envoyé à Marseille, qui a vécu ça. Alors, il a eu 17 ans d'exil, il a tiré les leçons. Il n'est pas, par exemple, marxiste. Il se méfie de certains chefs socialistes. Pour lui, il a compris, comme ce que dira Louise Michel plus tard, qu'avant toute... il a fait trois révolutions, il a fait 1930 aussi. Il a compris qu'il faut aller former le peuple, qu'il fallait que le peuple ait une conscience de lui-même et des moyens à la fois intellectuels et d'organisation pour que ça marche. Un peu comme la poussée du 4 septembre, quand il y avait ce progrès de l'idée républicaine depuis 1789, c'est pour ça que ça a été possible, et bien cette prise de conscience de la classe ouvrière et des plus pauvres, il fallait d'abord faire ce travail, c'était un travail de longue haleine. Donc il n'était pas favorable à l'insurrection. Même s'il a été loyal et qu'il est resté, pendant la Commune de Paris, il est resté à Paris. Mais on en est à Marseille, il est de ceux, il a écrit dans cet éphémère journal que je vous cite de 1848, qui s'appelait La Vraie République, la République sociale. Et pourquoi je vous le cite? Parce qu'il a en exergue une phrase très, très importante qui va rester chez de nombreux socialistes et révolutionnaires. En chaque fois, le lire de là, ceux qui ont de bons yeux. Je vais en prendre. Voilà. Sans la révolution sociale, il n'y a point de vraie république. Et c'est ça l'idée de la république pour Esquiroche. Même pour Gaston Crémieux, ils l'ont dans des formes différentes. Mais on ne peut pas se distancer d'une réforme sociale si on veut faire une vraie république. C'est ça la république pour eux. Et ce n'est pas simplement une république libérale où on peut faire circuler des capitaux comme on veut, ou s'exprimer comme on veut. Ce n'est pas suffisant. Et lui, pendant les deux mois où il va être envoyé pour gérer les Bouches-du-Rhône, il va essayer d'appliquer ces choses-là. Il va travailler avec les gens de l'Association internationale des travailleurs, la syndicat, hein, notamment, mais pas que. Et il va essayer d'avoir... Alors voici les mesures qui vont être prises. Et je vous le dis, c'est six mois, plus de six mois avant la Commune de Paris, ça. Hein. Il va créer une direction de l'enseignement professionnel. Il veut créer une direction qui soit exclusivement gratuite et laïque et qui concernera garçons et filles. Donc ça, il le fait en octobre 70. Alors, il est très inspiré par Gaucher, Crémieux et tous les gens de l'association phocéenne de l'enseignement qui ont beaucoup travaillé et qui ont des projets bien précis. Mais n'empêche qu'il permet de les appliquer. Autre aspect, l'aide sociale. Il va remplacer le bureau de bienfaisance qui obligeait à aller à la messe, hein, les gens qui voulaient bénéficier de la vie. J'ai retrouvé ça dans les journaux. J'ai été très surprise de le lire dans les journaux. Voilà. Donc, c'était une protestation de Royanès qui disait voilà, ça suffit hein, d'obliger les gens d'aller à la messe. Donc, et qui était tenu par des notables, toujours cette idée de que les classes populaires participent au pouvoir, hein, qu'ils soient sociales ou politiques. Donc, il le remplace par une commission de 12 membres et il a un projet d'organisation d'assistance publique. Il avait déjà écrit sur ça d'ailleurs. Il fait un arrêté concernant les loyers. Il réglemente le travail du port parce qu'il y avait des privilèges qui étaient accordés, on devait utiliser telle compagnie, pas l'autre. Il donne la liberté du travail aux travailleurs du port, il en rend, et il crée un bureau pour les ouvriers. Ça, c'est très important et c'est très novateur. Hein. Il crée un bureau, il appelle ça une enquête, ouvrière, pour régler les différends entre les patrons, chercher les moyens pratiques d'améliorer la condition des travailleurs, en les éclairant sur leurs véritables intérêts. Donc un bureau d'information et de défense des travailleurs. Mais vous pensez bien que tout ça, le gouvernement de Bordeaux ne l'apprécie pas des masses, mais surtout, on a très peur, ils ont très peur de l'influence de l'AIT, qui est d'ailleurs, à Marseille, un peu exagérée. Comme je vous l'ai dit, elle concourt et elle travaille avec tout le monde. Elle a même été à un moment un peu suiveuse, puisque dans la série de grèves qu'il y avait eu, Stelica a eu l'intelligence de commencer à les soutenir, et là, il y a eu beaucoup d'adhésions. Voilà. Mais quand même, on en avait très peu, puisqu'elle devenait quand même influente. Et Gaston, il va se passer à Marseille quelque chose, c'est que Esquiros, malgré l'autorité qu'il a, Il a du mal à canaliser la garde civique qui s'est constituée. C'est une garde qui s'est constituée pour sauver la préfecture du pillage, une garde populaire. Et donc, il n'a plus de police, il n'a plus rien, hein, Esquiros. Et il essaie de... Sa hantise, c'est que le sang ne soit pas versé. Et malheureusement, la Gazette du Midi va éditer une provocation du comte de Chambord, qui dit que jamais la République ne s'implantera sur nos terres catholiques. Et les gens, le peuple marseillais, très en colère, va envahir la Gazette du Midi, va envahir aussi l'église des Jésuites. Ils vont tout casser, ils vont même s'installer là-dedans. Et pour ramener le calme, Esquiros va mettre un arrêté pour expulser les Jésuites du département et interdire momentanément la Gazette du Midi. Et donc, voilà ces fameux arrêtés. Il va être complètement désavoué et Gambetta va lui demander sa démission. En même temps, la population de Marseille veut le garder parce qu'elle sait, elle n'a jamais eu un préfet pareil qui défend ses droits. Et il faut se constituer un comité révolutionnaire. Et je passe sur les détails. Et alors là, je vous montre le programme de, oui, c'est vrai, de la Ligue du Midi. Il va prendre la tête aussi de cette Ligue du Midi qui va être inspirée, entre autres, par Bastidica. Cette Ligue du Midi qui est faite pour la défense du territoire, mais qui a inclus certains éléments qui avaient été énoncés dans la Commune de Lyon, d'inspiration bakouniniste, hein, d'ailleurs. Bakounine va trouver refuge à ce même moment à Marseille. et parce que la commune du Lyon échoue. Et je, puisque je suis au CIRA, je vais vous lire. Il va être hébergé, Bastelica, parce que Bastelica va aller, on n'a pas le temps, il y a tellement d'événements, il est allé à Lyon avec Bakounine. Il se réfugie à Marseille, il y est en octobre, et au Catalan, discrètement, Esquiros, bien sûr, le protège, enfin, discrètement, et il va écrire une lettre à Esquiros. Le 20 octobre, il écrit une lettre à Esquiros qui n'a jamais été publiée, enfin, elle a été publiée en 1910, dans toute une série d'écrits sur Bakounine, mais elle n'a jamais été terminée, et voici ce qu'il dit à ce moment-là lui-même, Bakounine. Il dit « J'ai été et je suis socialiste, non seulement parce que le socialisme, c'est la liberté réelle, c'est l'égalité réelle, c'est la fraternité réelle, et c'est la justice humaine et universelle, mais encore par une considération de physiologie sociale. » Il dit aussi « Ce qui manque, c'est l'organisation et la juste direction, non cette direction et cette organisation qui lui tombe d'en haut, de par l'autorité de l'État, et par cette direction qui se forme d'en bas, je saute, je vous donne que des extraits parce qu'on n'a pas le temps. Il dit à Esquiros, je n'ai jamais eu l'honneur de vous rencontrer, mais j'ai lu vos écrits. Vous n'avez jamais craint d'être révolutionnaire, d'un révolutionnaire conséquent, et vous ne vous êtes jamais démenti. Enfin, monsieur, vous avez été le seul qui avait proposé l'unique moyen qui restait pour sauver la France. C'était, de provoquer une proclamation faite au nom du corps législatif, l'organisation spontanée de toutes les communes de France, en dehors de toute tutelle administrative et gouvernementaliste de l'État. Alors, il fait référence à une intervention d'Esquiros, en août, donc on est le 25 août, il avait proposé effectivement que les municipalités se constituent en centre d'action et de défense, en dehors de toute tutelle administrative. Donc il y avait un accord entre Bakounine et Esquiros sur les moyens autonomes révolutionnaires. Voilà. Donc ça c'est pour Bakounine et le projet révolutionnaire qui est examiné. Et voici la seule affiche que nous avons qui est signée Commune révolutionnaire de Marseille. On n'en a pas d'autres. Je vous dirai pourquoi après. En bas, vous voyez, c'est marqué Commune révolutionnaire, on a la liste. Et là, on a les membres de l'association des travailleurs, on a des radicaux, on a toutes sortes de progressistes qui ont signé. Ils veulent, et vous voyez pourquoi, le but, vive la République française. Pour eux, la République sociale, c'est la République. La commune, c'est la défense de la République. Mais celle dont on a parlé tout à l'heure, pas celle de Thiers. Donc, cette commune ne va pas durer. On l'appelle la commune du 1er novembre, parce que arrive. Gambetta va essayer de nommer un autre préfet, Delpech, mais il va refuser. Parce qu'il dit qu'il faut laisser Gambetta, la ville est en état de guerre civile. Il est réaliste. Adolphe Jean va être envoyé, qui est aussi un républicain d'ailleurs, assez adroit, et qui va calmer le jeu, parce que comme il refuse de garder Esquiros à ses côtés, quelqu'un qui est un peu énervé va le blesser légèrement au ventre, il va en tirer parti. Et parce que ça effraie tout le monde, il n'y a pas de sang qui a été versé. Donc il va finir par être accepté, d'autant plus que Esquiros à ce moment-là vit un drame épouvantable. Son fils unique est en train d'agoniser. Il va être enterré civilement quelques jours après. Et il n'est pas en état. Il va rester très malade pendant quelques mois. Il ne va pas être en état de continuer et il va quitter Marseille. Donc voilà cette première forme de commune de Marseille. Le calme va revenir pendant un certain temps, mais c'est un calme apparent, parce que les dirigeants français, le gouvernement de l'époque, va trouver préférable de signer rapidement la paix, alors que tout n'est pas complètement perdu, parce qu'elles ont très peur de l'agitation des villes. et de ce qui se passe à Paris et à Marseille. Donc, la paix avec les Prussiens va être négociée puis signée, mais dans des conditions très défavorables à la France. Guillaume II a tout intérêt à appuyer cette paix, parce que lui aussi il a peur des désordres. Hein. Donc, il va aider ce gouvernement. Des élections vont être faites, mais dans des conditions qui ne sont pas démocratiques. Il n'y aura principalement pas de campagne électorale. Le territoire est occupé, etc. Et une assemblée monarchiste va être élue. Et puisque, alors, on n'a pas le temps, mais les journaux de Marseille, notamment le journal Le Peuple, le journal L'Égalité, qui sont les journaux de la gauche de l'époque, les Républicains, vont mettre une crêpe noire sur leur page. Hein. Cette paix, elle est honteuse. Ils vont marquer Alsace-Lorraine avec un crêpe noire, parce qu'on a laissé par partie du territoire, et surtout des Français qui sont dedans. Il faut savoir que les députés de l'Alsace et de la Lorraine vont partir de l'Assemblée nationale, ils n'en font plus partie dès que c'est signé. C'est la grande honte hein, à ce moment-là, mais c'est très très mal vécu en France. Et les revendications sociales qui étaient retombées à cause de la guerre redémarrent pendant tout le début de 71. Et là, on a listé, c'est un travail qui a été fait par les amis de la Commune de Paris et qu'on a complété, nous, par ce qui s'est passé à Marseille. Bien, voici la liste des grèves qui vont avoir lieu. Alors, quand j'ai commencé à regarder les grèves dans les autres régions, à la même époque, elles vont se retrouver avec l'armée. Les gens, par exemple, il y en a des grandes grèves à Lille, autour de Lille, etc. Eh bien, on va envoyer des tisserands, hein, des milliers de tisserands dans la rue, on va leur envoyer l'armée tout de suite. Pas à Marseille. On est le seul endroit, à Marseille, à cette période, dans lequel les ouvriers vont obtenir satisfaction. Alors, on en a plusieurs. On a même une grève des voilières. Des femmes, c'est des... Alors, je crois que je vous l'ai mise là. Voilà. Le sémaphore se moque d'elle. On parle des petites mains qui ont leurs petites grèves aussi. Mais n'empêche qu'il dit bien qu'elle a cessé parce qu'ils ont eu... ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc... un peuple qui s'agite, hein, revendication sociale, revendication politique. Cette assemblée met en danger, qui est monarchiste, la majorité monarchiste, met en danger la République. Et de nouveau, la question de la République et de la République sociale revient. Donc, j'abrège un petit peu, parce que je me suis un petit peu étendue, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Cette assemblée va prendre des mesures provocatrices contre Paris, qui reste républicain et qui gronde. Elle va déménager à Versailles, d'ailleurs. Pourquoi Versailles? Le lieu de la monarchie. On a Paris la républicaine contre Versailles, la monarchie. C'est ça, à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand on va crier à Marseille « Vive Paris », c'est comme si on crie « Vive la République », en réalité. Et donc, et ça va être la mesure provocatrice de Thiers de saisir les canons qui avaient été laissés sur la butte de Montmartre, qui avaient été payés d'ailleurs en partie par les Parisiens, et qui vont être retenus par la garde nationale et le peuple, hein, le petit peuple de Montmartre. On dit que c'est la Vendière qui a donné l'alerte. Et donc, et là, c'est le début de la Commune de Paris. À Marseille, elles arrivent en décalage. Elles arrivent avec 2 jours de décalage. Hein, et donc, surtout que Thiers ne dit pas ce qui se passe. Hein. Et donc, quand elles arrivent à Marseille, Gaston Crémieux, le 23, dans la salle de l'Eldorado, Saint-Michel, devant des milliers de personnes, va expliquer ce qui se passe et va demander aux Marseillais de prendre position pour Paris. Les armes à la main s'il le faut. Ça lui sera reproché lors de son procès. Et il est acclamé. Il est acclamé. Et il faut penser que dans la ville, il y avait beaucoup de démobilisés, puisque la guerre venait de finir. Et il y avait aussi beaucoup de corps, des volontaires, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y avait diverses forces, beaucoup de gens armés, hein, si vous voulez. Et ces gens ne voulaient pas ne voulait pas d'une France redevenue monarchiste. Il voulait continuer à défendre la République. Donc, le 22 mars, 22 au soir, c'est ce discours. Le 23 mars, le préfet Cosnier, qui est un maladroit, c'est-à-dire c'est un militaire, il a une idée, c'est de faire une contre-manifestation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce qu'il a sonné le rappel, mais tous ces gens se sont réunis, mais il a oublié que la plupart voulaient défendre la République. Du coup, ils se sont tous retournés vers la préfecture. Et il s'est passé, même le conseil municipal, qui était fait de républicains modérés, a essayé de contrer cet ordre, mais n'ont pas réussi. Les gens, dès le bon matin, se sont retrouvés dans la rue, et la préfecture a de nouveau été envahie. Donc, les Gaston Crémieux, les gens de l'AIT, alors la Basilica est partie, il sera à Paris hein, pour la COVID. Vont faire un comité de salut public, et Gaston Crémieux va du balcon de la préfecture annoncer qu'il a été créé effectivement un organe révolutionnaire. Ce que je voulais, voilà. Ça c'est un des arrêtés de la commission. Voilà, ça c'est l'article, alors je ne sais pas s'il est très lisible, hein. C'est un des premiers qui est paru dans les journaux. Ce qui compte, c'est les signatures. Il va le dire du balcon de la République. Alors, on dit parfois, Gaston Crémieux a annoncé la commune du balcon de l'hôtel de la préfecture. Non. Il a annoncé, il est fin juriste, hein. Il veut rester légaliste tout en étant révolutionnaire. Il va annoncer la constitution de cette commission. Et ça, c'est sa première proclamation. Vous voyez, c'est marqué le 23 mars. Et ce qui était intéressant dans ce document, on peut y aller assez longtemps, hein, c'est la phrase, c'est les dernières. Hein, elle aussi se déclare, que je retrouve, j'ai des problèmes de vue. Hein, donc, il dit que c'est pour prévenir la guerre civile, une collision allait éclater parmi nous, la guerre civile était prête à sortir des circulaires et des provocations irritantes du pouvoir, hein, ça dit des dépêches mensongères de tiers. Et il dit, le conseil municipal avec le concours de tous les groupes républicains de la cité a dû constituer une commission départementale chargée d'administrer provisoirement le département de Boucherville. Voilà, donc il n'a pas dit le mot commune, mais ne nous y trompons pas, les adversaires l'appellent commune, et dans les journaux, on parle de commune. Mais officiellement, il n'a pas dit le mot, en tout cas à ce moment-là. Et alors, de quoi est constituée cette commission? Eh bien, elle est constituée des forces présentes dans la ville, mais qui sont, encore une fois, parfois d'ailleurs, en réalité, c'est pour ça que il va se trouver rapidement dans une position difficile. Nous avons les républicains radicaux du Cercle du Midi, Gaston Crémieux, Auguste Étienne, Joseph Job, vous avez les noms en bas, les républicains modérés du Conseil municipal, il a tenu à ce que le Conseil municipal soit avec eux, David Bosc, Eugène de Servi-Sidor, l'AIT, Joseph Maviel, Charles Averini, Firmin Guillard, et le comité républicain de la garde nationale, donc les forces armées républicaines, si vous voulez. Il va inciter, il va essayer, l'armée légaliste va partir à Aubagne avec les fonctionnaires, avec une partie, donc l'armée, les fonctionnaires, les magistrats, et Gaston Crémieux va être paralysé dans son action. D'autant plus que le conseil municipal va réclamer le pouvoir. Hein. On a plusieurs pouvoirs, donc hein. La force armée, divisée donc, avec la garde nationale, l'armée légaliste à Aubagne, le conseil municipal, l'autorité préfectorale, les organisations républicaines et l'association internationale des travailleurs. Personne ne s'entend. C'est comme ça que ça n'a pas pu marcher. Et ce qui était assez curieux, c'est que ce qu'on attribue souvent à cette période-là, l'aspect social, etc. Rien n'a été fait, aucune mesure sociale n'a pu être prise. Ça n'était pas possible, ça durait 13 jours. Et en plus, ils ne pouvaient même pas avoir l'argent pour payer les troupes, si vous voulez, n'avaient pas de police. Alors que, en plus, Gaston Crémieux, c'était un orateur magnifique, mais il n'avait pas le charisme qu'avait l'autorité, plutôt, qu'avait Esquiros. Il a voulu refaire un petit peu ce qui s'est passé avec Esquiros, parce que, autre originalité de notre commune, c'est que notre commune se fait au niveau département. Elle ne s'est pas faite au niveau municipal. Au contraire, la municipalité va s'opposer, d'autant plus qu'à partir du 27 mars arrivent les représentants de la commune de Paris, les trois représentants, qui ne comprennent pas grand-chose, qui sont dévoués, mais qui ne comprennent pas grand-chose à la situation. Et parce que Gaston Crémieux avait essayé de trouver un terrain d'entente, il voyait bien qu'il n'avait pas les forces armées suffisantes. Mais le problème, c'est que il avait essayé de dénouer un petit peu comme ça va se faire à Narbonne. Vous verrez quand vous écouterez Narbonne, ça s'est fait de façon pacifique. Donc, et c'est pour ça qu'il avait gardé l'espoir que ça se dénoue de façon pacifique. Mais l'arrivée des trois représentants de la commune de Paris, va aggraver les choses, notamment Bernard Lambeck va prendre la direction effective de la commission. Il va s'opposer à Crémieux, il va même se sentir en danger à un moment donné, Crémieux va partir d'ailleurs. Et c'est lui qui va prendre les rênes. Et ils vont se disputer sur la question des otages, parce qu'il y a des otages. Alors, en réalité, ils ne seront jamais en danger, les otages. C'est même eux qui, durant le bombardement qu'il y aura sur la préfecture, vont supplier les Espivent, le général, d'arrêter, parce que c'est eux qui se reçoivent les bombes. Mais ils étaient dans des appartements privés de la préfecture au premier étage. Mais Landel voudrait faire comme à Paris, vous savez, il y a des otages, etc. Donc lui, il ne veut pas du tout les libérer, etc. Et ce qui fait que la municipalité va se désolidariser, les plus modérés, les plus raisonnables vont partir, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas tenir. De même que la garde nationale, une partie va rester fidèle, mais elle balance entre les deux. Elle est plutôt du côté de Crémieux et de la commission, mais à un moment donné, ça va se partager. Et ne vont rester que les gardes nationaux populaires avec eux. Et ils vont décider, après Crémieux va revenir, donc à partir, donc le 28 c'est la rupture, et Crémieux va revenir et on va décider de faire des élections, un peu comme à Paris d'ailleurs. L'élection de la commune de Paris a eu lieu le 28. Donc on va faire des élections, on va tout mettre à électif. Toutes les charges, les magistrats, la commission, le conseil, on dissout le conseil municipal, et c'est le peuple qui décidera. Et les élections seront pour le 5. Et on fait des affiches même. Et Alérini, qui est un bacouniniste, qui va travailler d'ailleurs avec lui, Alérini va être celui qui va faire en sorte qu'on mette les affiches. Je m'excuse, j'ai un problème de vue. Mais je ne sais pas si je vous ai mis l'arrêté. Oui, c'est ça. Vous voyez que dans ces circonstances, il est urgent d'en appeler au suffrage universel pour l'élection d'un nouveau conseil municipal entre lesquels la commission départementale résignera tous ses pouvoirs. Voilà. Donc, vous voyez, ils veulent des élections pour le 5. Et le général Espivent, qui est à Aubagne, n'est pas du tout d'accord, on ne veut pas que ce soit légitime. Donc il va précipiter l'attaque sur Marseille, il va la faire dans la nuit du 3 au 4. Marseille va être investi par les troupes, alors là c'est des troupes entraînées. Hein. On a des gens disciplinés, on n'a pas les gardes nationaux, les gardes civiques de Marseille, ou les gens qui ont des fusils. Vous savez qu'on a mis, par exemple, on a utilisé les premières mitrailleuses. On va mettre une mitrailleuse pour, dans la nuit, on va installer une mitrailleuse à la place Saint-Michel. Il n'y aura quasiment pas de combat. La place Saint-Michel, c'est la plaine. Hein. Il n'y aura quasiment pas de combat à ce moment-là, parce que dans la nuit, elle a été investie et on a fait camper l'armée avec une mitrailleuse. Mais on en met aussi une devant le palais de justice. Et à côté, pas loin de la Banque de France, qui est défendue, elle, par les gardes indiens. Donc, et puis, alors, Je résume, hein, parce que là, on n'a pas le temps de voir tous les détails des événements. Donc, Gaston Crémieux va essayer de négocier avec une délégation de l'AIT. Il a accepté de changer le drapeau rouge pour le drapeau noir. Mais beaucoup de membres de l'AIT et d'anarchistes à l'époque défilaient le drapeau rouge aussi. Hein, et alors, on a changé. C'est pour ça que sur la brochure, je vous ai mis les deux drapeaux. Parce qu'il y a eu à la fois le drapeau rouge et le drapeau noir, successivement. Ça ne servait à rien d'ailleurs, parce que ça n'a pas changé les choses. Ils ne sont même pas reçus, parce que le commandement de l'armée se place Castellane. Donc à deux reprises, ils négocient, ça ne marche pas. Et à partir de midi, il va carrément faire bombarder la préfecture. On bombarde aussi là, d'autres endroits. On bombarde la gare. On va exécuter, il va y avoir des exécutions sommaires. De la Vierge de la Garde, enfin de la basilique de la Vierge de la Garde, il y a une esplanade, d'ailleurs très connue, hein, la photo, voilà, vous voyez l'esplanade, c'est là, on a installé, on a pris les marins, parce qu'il y avait des bâtiments de la marine, et ils avaient des canons, pour ça. Donc les artilleurs, on les a installés sur la butte, et quand on y est, vraiment, on voit qu'il y a le toit de la préfecture, hein. Pas loin. Donc il va faire tirer sur le quartier, il va y avoir beaucoup de morts dans les bâtiments autour. Officiellement, on a une cinquantaine de morts. 150 morts. 150 morts ce jour-là, en comptant les victimes autour, mais en réalité, d'ailleurs, il va y avoir des réparations. On le sait par les jugements, il va y avoir des jugements. Des demandes en réparation, avoir des disputes assez effroyables, c'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, on ne dit pas que la République a été proclamée avant la République. Parce que tous les actes qui ont été faits avant sont illégaux. Donc, et selon quand ils se sont passés, c'est de la responsabilité de la mairie ou du département ou de l'État, etc. Ou des criminels. Et donc, une journée terrible. Qui va rester dans la mémoire marseillaise, Notre-Dame de la Bombarde, hein, une partie de la population, et aussi dans les chansons, hein, dans les chansons provençales, marseillaises en tout cas, et beaucoup vont s'enfuir. Une répression qui va peser lourdement sur les luttes ouvrières qui vont venir, parce que les leaders vont partir pendant X années. On sait bien que certains. Crémieux qui a acheté la payé cher, par exemple. Hein. Mais beaucoup vont. Alors, on ne sait pas le nombre de morts parce que certains vont mourir chez eux ou abrités par des habitants. Il n'y a pas eu. Ça, c'est assez significatif. Dans les archives de la préfecture de police, en tout cas, j'en ai pas beaucoup trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé de délation. Au contraire, on va inventer des motifs quand ils vont passer devant les tribunaux, mais très peu de délations. La population marseillaise n'a pas beaucoup participé, mais elle n'a pas dénoncé, parce qu'au fond d'elle, elle va le démontrer plus tard, elle était de cœur avec beaucoup de ces choses-là, puisqu'ensuite, quand Esquiroz va mourir, par exemple, il va y avoir 100 000 personnes, quand Bastelica va mourir, il va y avoir aussi des milliers de personnes. Voilà, toute une partie de la population Clovis Hugues. Tous ces gens-là, la partie populaire de Marseille va y rester fidèle dans la mémoire. Alors je vous passe les chiffres, hein, de la répression, mais en gros 600 personnes qui vont passer. C'est une répression qui va durer des années, avec, vous savez que le département de la Seine, donc Paris, et le département de Bouches-du-Rhône vont rester sous loi martiale. Donc ça veut dire censure, pas de liberté de la presse, pas de liberté de réunion, etc. Jusqu'en 1876, c'est-à-dire jusqu'à ce que les républicains gagnent enfin les élections. Parce que tous réclamaient, on n'a pas eu le temps de le voir, mais tous réclamaient en mars 1871, à Marseille, ils réclamaient la réunion d'une constituante pour une vraie élection démocratique en France, c'est ça qu'ils voulaient. Et donc, cette répression va toucher le mouvement ouvrier. Cela dit, au bout de quelques années, il va se reconstituer, parce qu'on va avoir le premier congrès ouvrier socialiste en 1879 à Marseille. Hein. Mais on va avoir aussi beaucoup d'exilés. Étienne, par exemple, Étienne, qui va devenir un ami de Louise Michel, à Nouméa, il va y rester, d'ailleurs. Et puis on a bien sûr ce procès emblématique de Gaston Crémieux. Il faut savoir que même les notables de Marseille avaient signé une pétition pour le sauver. Ils n'avaient pas versé de sang. Comme Esquiros, c'est des gens qui n'ont pas versé de sang. Au contraire, ils avaient essayé de défendre au maximum. Alors voilà une carte qui date de 1878 de Marseille et qui montre le lieu où il a été exécuté. Vous voyez le palais de Faro, c'est pas dans le palais, c'est en bas, parce que ça servait de champ de manœuvre pendant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la deuxième. La deuxième, même, je crois qu'on l'avait vérifié sur les différentes cartes. Alors je vous ai donné une vue un peu plus un peu plus globale, parce que c'est la venue de Livon qui n'était pas encore percée. Jean Livon qui n'était pas encore percé. Et la venue Pasteur, vous voyez, il y avait plein de bâtiments. Et les gens se réunissaient là. Par exemple, quand il va y avoir la grande grève des huiliers, un peu avant la Commune, ils vont être 300 à se réunir là, à cet emplacement, juste devant les grands bâtiments. C'était la population marseillaise et tous ces quartiers du sud se réunissaient souvent là, avant qu'on réaménage. Vous voyez, le palais du Pharaon n'a même pas d'entrée. Il est barré par un bâtiment qui n'existe plus. L'entrée se fait derrière par un petit chemin. Voilà. Donc ça n'a pas la physionomie d'aujourd'hui, cet aspect-là. Et donc il a été exécuté là. Alors les amis de la Commune de Paris, enfin le groupe marseillais, se bat pour qu'il y ait, à l'occasion du 150e, un petit monument, un monument au niveau du palais, parce que les gens se promènent là, pour qu'ils sachent que le lieu d'exécution était non loin, il était en bas, à la plage, condamné. Vous savez que c'est condamné aujourd'hui ? Oui, on a essayé de voir, pour prendre des photos, parce que jusqu'à il y a 2 ans, ça n'était pas. C'est condamné, c'est privatisé. Oui, il y avait des immeubles, on a plus d'accès. Il y a une privatisation actuelle de l'espace public marseillais contre lesquels il faut tout est vendu. Alors, cette mémoire, je terminerai là et puis on discutera un peu. Je n'ai pas abordé tous les sujets, c'est pas possible. Mais cette mémoire, donc comme je vous l'ai dit, a survécu. Alors là, je vous ai mis commune de Lyon, commune de Narbonne. Hein. Ce sont des communes différentes. Qui sont de plus en plus étudiés. Pour la commune de Lyon, un peu moins. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un groupe, actuellement moins, mais dans les années à venir, certainement, ça sera très intéressant de l'approfondir. Il y a beaucoup de travail à faire. Si on se dégage un peu des trucs, comme je vous disais, des grilles de lecture un peu traditionnelles ou qui ont été conditionnées par les conditions dans lesquelles nous est parvenue cette mémoire. Eh bien, on a des choses à découvrir sur l'histoire populaire, sur l'histoire ouvrière, sur l'histoire sociale et sur l'histoire de France, hein, parce que l'histoire de France, c'est pas que Paris. Et puis, voilà, par exemple, le premier congrès socialiste dont je vous parlais, à Marseille. Et d'ailleurs, durant ce congrès, ils sont allés sur les tombes de qui ? De Gaston Crémieux. Sont allés rendre hommage, et notamment les femmes, elles ont fait des couronnes, de Gaston Crémieux et d'Alphonse Esquiros, qui est complètement oublié, mais qui a été un des acteurs. Le mouvement communaliste marseillais ne peut se comprendre, donc, si on prend l'ensemble. Sinon, si on parle de mesures sociales, on parle de septembre-octobre. Si on parle de révolution, de mouvement révolutionnaire, il débute en août. Hein. Et si on parle de défense de la République contre une assemblée réactionnaire, on parle du mois de mars 1871. Voilà, dans les journaux, en 1906, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a rendu hommage à Alphonse Esquiros et Gaston Crémieux, au moins autant aux deux. Et quand Garibaldi est mort, pendant longtemps, il y a eu un comité Garibaldi à Marseille, ça j'ai été surprise, c'est en lisant les journaux que je l'ai lu. Quand on a voulu faire une grande fête, et on avait le buste de Garibaldi, mais la République de l'époque ne le permettait pas. Donc, on a amené en grande pompe, on a fait une sorte de fête. pour l'amener en grande pompe sur la tombe d'Alphonse Esquirós. Parce qu'il faut vous dire qu'il est venu aussi, Garibaldi, pendant l'affaire d'Esquirós, c'était des amis intimes. Et quand Esquirós est mort, Garibaldi a envoyé une couronne. Et donc, on associait ces grandes figures révolutionnaires entre elles pendant longtemps. Mais les traumatismes de la Première Guerre mondiale ont fait qu'on a changé, les choses ont changé d'ailleurs. Et puis, ce qui est devenu aussi la Première Internationale, les déchirures marxistes et libertaires, etc. Et on a... Donc j'appartiens à l'association LAFMR13, qui a été créée pour la défense des lieux de la République, donc vous comprenez maintenant quelle République. Et notamment, j'ai mis cette image parce qu'au cimetière Saint-Pierre, un des lieux de la République, c'est la stèle qui a été faite pour Alphonse Esquirós. Pourquoi ? Parce que quand il est mort, on lui a refusé, au départ, on lui a refusé des funérailles officielles parce qu'il était, libre-penseur, sans être inscrit au libre-penseur d'ailleurs, mais il était, il ne voulait pas, il voulait des funérailles civiles. Il ne voulait pas. Donc, il était, donc, finalement, c'est le petit peuple de Marseille qui s'est cotisé. Il y a eu le journal, le journal, je ne sais pas, l'égalité, qui a fait une... Le petit Provençal. Le petit Provençal. Il était qui ? Je ne sais pas s'il était. Je me rappelle, je suis un peu fatiguée. Donc, je... bref, l'idée, c'est qu'en tout cas, on a les journaux. Il y a une collecte qui a été faite, et dans les ateliers, dans les rues, dans les groupes, ils se centimes par 25 centimes, un franc, ils ont collecté de quoi acheter le terrain, il a finalement été offert le terrain, et bâtir la stèle. Donc c'est un monument du peuple marseillais lui-même, qui n'a jamais été reconnu, il est toujours là. Et les libres penseurs, une fois par an, ont repris l'hommage, avec tous les aspects républicains que ça représente, à Alphonse Esquirós, une fois par an. Voilà. C'est d'ailleurs passé sur France 3. Cette année, oui, c'est passé sur ça. Elle est où la statue de Garibaldi ? Malheureusement, Garibaldi, on l'a pas. Relativement. Ça, c'est la. Dans le cimetière Saint-Pierre, oui. Voilà. Dans le cimetière Saint-Pierre. Mais c'est Alphonse Esquirós qui a été député de Marseille, etc. Mais Garibaldi, malheureusement, c'était la même époque, et la municipalité s'est opposée. On a demandé à ce qu'il y ait un monument, une stèle, un buste d'Esquirós ou de Garibaldi, et les municipalités ont toujours refusé. On a fini... En fait, c'est la municipalité Flessière qui a fini par donner des noms de rues, comme elle a pu d'ailleurs, hein, la rue Esquirós. Elle est dans le même peintiste, la partie rouge, l'époque, et elle est donnée d'ailleurs sur l'église, parce que c'est assez amoureux. Ouais. C'est une petite rue. C'est la capellette. Il donne perpendiculairement à l'église. Et une petite placette dans le sud, dans les quartiers sud. D'ailleurs, ils m'ont demandé, le CIQ m'a demandé de me faire une brochure dessus, parce qu'ils ne savaient même pas qui c'était. Mais il y a une autre place Esquirós, mais alors, il faut y arriver, hein, au Cabo. Ouais, voilà. Et Gaston Crémieux, non? Alors, Gaston Crémieux, on a un boulevard. Un boulevard très bien. Alors, pour terminer, je veux dire qu'on a fait une exposition avec l'association et les libres penseurs. Nous avons fait une exposition qui sera à l'Alcazar de tout le mois d'octobre. Et le 26 octobre, je donnerai une conférence sur la commune de Marseille, un peu différente, parce que là, elle est beaucoup plus grand public, avec des gens moins ciblés sur l'histoire sociale. Donc, et puis voilà, comme elle est publique, enfin bon, il y aura quelques documents que je donnerai là, mais on reverra les mêmes. Et donc, voilà, on essaye. Alors, on a été très perturbés pour cette commémoration de la commune, de ces événements, par le Covid. Hein. On a du tout annulé, ça a perturbé vraiment beaucoup. Donc on a ça, on aura un colloque aussi en novembre sur la question « Quelle République ?» Parce qu'au fond, c'est les gens qui pensaient souvent que la commune ne mérite pas d'être commémorée ou de rémémorée au moins, le font parce qu'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi elle a eu lieu. Hein. quel sens ça veut dire. Une tentative organisée de prise de pouvoir du peuple, une défense d'une république et d'une certaine république, une république sociale. Voilà, je vous remercie. Mettre en œuvre des questions et les appliquer. Dans quelle mesure, à quel endroit on peut dire que cette constitution de la commune était quand même aussi animée, motivée par quelque chose de l'ordre d'une autonomie du territoire qui me semble était quand même aussi un peu ancrée depuis longtemps aussi en termes de volonté. Comment elle apparaissait à cette époque-là, enfin à ce moment-là précisément, et est-ce qu'elle a pu quand même un peu... Alors, si on parle de la période de mars proprement dite, ils n'ont même pas pu en débattre. Ils étaient dans la survie. Il faut savoir que toutes les caisses étaient fermées, les fonctionnaires avaient mis la clé sous la porte et étaient partis. Donc, ils ont dû forcer, d'ailleurs, ça leur sera reproché. Ils ont dû essayer de forcer certaines caisses, mais bon, ça n'a même pas marché. Sans argent, on ne peut rien faire. Hein. Et donc, cette question-là n'a pas été débattue. Par contre, elle a commencé à être débattue, je ne sais pas si j'ai été claire, mais au début, sous Basquiros. D'ailleurs, Bakounine le souligne, puisqu'il dit que vous avez parlé de cette question-là au moment du corps législatif en avril, donc sous l'Empire. Esquiros estimait que les pouvoirs municipaux, certaines, pouvaient être contrebalancés, ce pouvoir trop autoritaire. Mais on rêvait à l'époque, on s'était pas mis, il y a eu une révolution le 4 septembre, mais personne ne s'était mis d'accord à cause de la guerre. La guerre a empêché ce débat. Personne ne s'est mis d'accord sur quelle république on voulait. Et certains imaginaient une république fédérale à l'américaine. J'ai lu ça dans les journaux. C'est amusant, mais parce que la république fédérale américaine, ça n'est pas le pouvoir vraiment autonome. C'est encore autre chose. Hein. Les États-Unis de France, si vous voulez. Et certains imaginaient des pouvoirs autonomes, mais extrêmement autonomes. Et certains étaient entre les deux. C'est-à-dire, ils étaient quand même jacobins sur certains aspects, mais ne voyaient pas un pouvoir complètement autonome. Quand Esquiros parle à ce moment-là en avril, c'est contre le pouvoir impérial, parce que le pouvoir impérial est constitué comme ça. Est-ce qu'il aurait maintenu cet état d'esprit une fois dans une république où il y aurait un vrai débat, il n'aurait pas mis des nuances, etc. Ça, on ne peut pas refaire l'histoire. Le débat n'a pas pu avoir lieu vraiment. Et il a été fait par les armes, malheureusement, dans la violence. Oui. Oui, tu as parlé tout à l'heure de 151 ans, même si c'est s'il n'y avait pas eu le Covid, ça faisait 150 ans. 150 ans d'oubli, moi je dirais 150 ans de mise en oubli. Oui. J'ai regardé tout à l'heure, avant de venir, une des histoires de la Commune et de la guerre de 70. 400 pages, hostiles. Deux pages à la fin. Sur les communes de Marseille, etc. Donc je crois que ce qu'on appelle le jacobinisme a été à l'œuvre, entre autres variables, pour une occultation. Et il n'y a pas que des raisons politiques. Mais si il a fallu 150 ans pour que les universitaires se mettent à une question, alors que ça fait quand même quelques dizaines d'années que ça aurait été possible, alors ça, c'est une question monstrueuse. La mise en oubli sur laquelle il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Mais pour la commune, c'est particulièrement frappant. Enfin, pardon, peut-être un jour, une réflexion là-dessus. Mais quand on regarde maintenant les documents qui circulaient, parce que les publications, en particulier les publications illustrées à la tête de toute la France, étaient abonnées, y compris les trucs pas chers que les gens recevaient pour des sommes modiques, s'était fait attendre. Et la commune de Paris en a parlé, y compris surtout de façon hostile. Mais le reste, c'était occulté, c'est une occultation. Ça revient, et fort heureusement, par le travail des Marseillais, ça revient par le travail des Stéphanois, des Clermontois et des Lyonnais, mais ce qui est particulièrement précieux, mais tout de même, 150 ans, ça fait combien, 30 générations qui n'ont pas entendu parler. 40 générations, c'est incroyable. Une bonne partie de la population de Marseille ne connaît pas son histoire, elle partit en Marseille-là. Et quand. Alors, on a fait dans l'exposition deux panneaux sur les rues de Marseille. Et la Bible des rues de Marseille, c'est un grand livre d'Adrien Blaise. Eh bien, la plupart des communards, de ceux qui ont participé peu ou prou aux événements, alors je dis communes, pas seulement en mars, mais en septembre, ne sont pas cités, de quelques connus, ne sont pas cités pour avoir participé à la commune de Marseille. Par exemple, il y a une rue Brochier, parce qu'il a été mort de Paris. Voilà. Etc., etc. C'est comme ça, c'est le mot. Voilà. Mais ça, c'est toute une partie de l'histoire populaire qui a ce sort-là, et c'est pour ça qu'on se bat dans les associations. Parce que. On doit la population doit récupérer une partie de son histoire pour s'en servir, c'est un outil, c'est tout, hein. c'est pas pour faire de l'érudition, mais savoir que, par exemple, moi j'ai été frappée par tout ce travail d'éducation populaire qui ont été faits dans les années 1867, entre 1866 et 1870, qui était impressionnant. Et qui a impliqué aussi toutes ces nouvelles classes bourgeoises, parce qu'on clive, mais c'est difficile quand on regardait que ce soit Esquirols d'ailleurs aussi, Crémieux et d'autres appartenaient à des classes moyennes, ils n'appartenaient pas au départ, et c'est la conjonction de ces nouvelles classes qui étaient laborieuses elles aussi d'ailleurs, hein. C'était des classes moyennes qui travaillaient, oui. Mais c'est pas les rentiers. Oui, pour la mémoire par exemple, donc... Cette association qui s'appelle les Amis de la Commune de Paris en 1871, en réalité, elle a été fondée. Pardon, c'est les anciens communards. Les anciens communards qui ont date de cette époque-là. Ouais. Et pour maintenir ce souvenir. Alors, il faut remarquer aussi que la distinction entre membres de l'AIT ou francs-maçons, etc., et les bois penseurs, en réalité, elle est. Il y en a beaucoup qui étaient des trois côtés à la fois. C'était très fréquent, ça. De même qu'en 1905, il y en a qui étaient socialistes, libre-penseurs, syndicalistes, alors à la CGT, chacun avait sa. Voilà, ils avaient les trois cartes, et puis ça allait de pair, hein, avec les francs-maçons aussi. Donc, voilà. Sinon, il y a Chantal. Alors, la libre-pensée a aidé Chantal à produire la petite brochure, qui est là. Je voudrais faire une dernière remarque sur le travail de Vigneault. 2 euros histoire de pouvoir en éditer d'autres. Le travail de Vigneault, en fait, nous l'avons retravaillé dessus, nous l'avons mis sur Excel pour voir un petit peu quels étaient ce qu'on reprochait pendant la répression. Et il y a quelque chose qui est ressorti. C'est que. On a reproché finalement aux gens ce qu'ils avaient fait en septembre et en octobre. Ce qui prouve bien que dans cette répression communarde, on liait à l'époque tout à fait ceux qui avaient agi au mois de septembre. On relie bien, c'est le mouvement communard, pour eux, ça partait de là. Et ça partait pas de. Et on va aller pour déconsidérer le mouvement communard. On va aller chercher, ça c'est le fait, on va aller chercher des prostituées et des souteneurs qui se trouvaient en Algérie. On est dans le procès de entre 73 et 76, hein. On n'est plus du tout juste au moment de la commune. On va les rechercher pour les mélanger aux inculpés. Et dire voilà, on leur reproche d'être communards, d'avoir des armes. Alors ils vont tous être, de toute façon, ils vont être, ils ne vont pas être condamnés. Mais on a fait exactement pareil à Paris. Louise Michel raconte qu'on les avait mises exactement avec les prostituées. Elle le raconte aussi. La même chose. Et qu'elles avaient dû faire dans les prisons de groupe parce que, bon, c'était, elles n'étaient pas toujours agréables, hein, certaines prostituées. Et puis des droits communs. On les a mélangées exprès. Donc, ce lien que je fais aujourd'hui et que d'autres, nouvelle lecture fait, hein, entre les mouvements qui ont commencé en septembre et ce qui se passe en mars, qui n'est que la fin, bien déjà, les contemporains la faisaient. Ne serait-ce que dans les poursuites judiciaires. Voilà. Et moi, j'ai remarqué que, effectivement, les modérés, c'est pas un problème quand il y a ces mouvements-là. Parce qu'on voit en 1871, c'est eux qui ont déserté et laissé, disons, la place pour que Espivent puisse attaquer. Hein, puisqu'ils se sont repliés sur la mairie. D'ailleurs, tu n'as pas bien distingué, la mairie, dans la journée du 4 septembre, il y a eu deux proclamations de la République. C'est vrai, il y a eu deux proclamations. Ils ont commencé, alors là on voit le rôle du télégraphe, hein. Les nouvelles arrivaient très vite, et après il y avait l'affichage dans les rues. Hein. Mais ils ont proclamé à l'hôtel de ville, assez Crémieux. C'est quand la foule envahit l'hôtel de ville, il y a la proclamation dans vers 6h, mais tout le conseil municipal se tient à l'écart. Ils se mettent au fond de la salle, il en reste trois. Ils se mettent pas au balcon avec les autres. Et puis quand arrive le télégramme il dit allez annoncer partout dans la ville que la République est proclamée. Hein, donc alors là, ils ont mis leur écharpe et puis ils ont fait le truc. Ils allaient pendant la nuit, ils étaient couverts. Alors, si déjà, vous voulez aussi continuer la discussion, voir si vous abordez. Deux, si vous abordez un tout petit moment. Pour les habitués, vous avez l'habitude de faire l'apéritif, mais pour l'instant, vu les circonstances, nous ne reprenons toujours pas les apéros. Par contre, je vous propose un apéro tout à fait sympa, d'un autre genre, avec Fred et Tonio qui. Les Gaston, ils s'appellent, si vous le voulez bien, vous interprétez des extraits de textes de Gaston Crémieux, justement, et éventuellement, qu'ils ont mis en musique eux, et éventuellement, suivi peut-être de Gaston Couté, je ne sais pas si vous connaissez Gaston Couté, mais c'est juste parce que ça explique qu'il s'appelle les Gaston, en fait. Allez, les Gaston, en fait. Sur l'obscure famille, devant au travail, des jours et des nuits, que je dois être, le tout que je suis, j'aime l'ombre et je hais la vérité qui brille, et dans cette ombre austère, pour s'abriter, la liberté des mœurs, la vertu réveillée, en attendant que l'aube, ou le grand jour revienne, j'ouvre un livre ou l'histoire. Ce que je lis comme en existence, je retrouve mon âme et la voix s'élancer. On marche tour à tour, s'élever, s'abaisser. Âme de Périenne qui gémit et qui pense, elle porte les fers qu'elle rompra demain, et toujours misérable et toujours indomptée. Dans le jour qui l'opprime, esclave révolté de ces mille tyrans qui se donnent la main. Partout l'âme humaine est en spectacle et souffre, énorme écrasement de petits corps et grands, de héros, de chasseurs, aux guerriers contraignants, à le clou de la mort, le mal nourri, le gouffre. Je reconnais ma plainte, les marées, le cri de Spartacus, de Christ et de Socrate, comme un écho vivant dans ma poitrine éclate, et je sens sourd en moi la révolution. Enfant du peuple issu d'une obscure famille, devant au travail, des jours et des nuits, le jour que je dois être, et le tout. ensuite, c'est tout aussi simple. On pourra suivre aussi sans problème. C'est long, mais c'est simple. C'est un peu long. Après, c'est beau bon, quand même. Bravo. Il y a des enchaînements. Hein. C'est, puis c'est un langage assez soutenu quand même. Hein. Enfin, c'est dans la brochure. Ouais, dans celle-là ici, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est les voix du peuple. Mm-hmm. Merde. Ça, c'est celle-là. Ah, ouais, c'est plus de sol. C'est les voix du peuple, c'est édité par Michel Bison, du coup. On doit supprimer le chimie du début, c'est ça? Ouais, et celle-ci, c'est bon, peut-être ici, poursuivre, ça peut peut-être être un peu moins évident, ça commence au niveau de emblème de la force. Au peuple, majesté. Je suis quelle page? Voilà. Ah, je sais. Page 16. Page 16. Page 16. Non, je chante. Combien? 16. Ah, ouais. Et je ne sais pas si l'ordre va être tout à fait le même, parce que c'est très long, on a dû choisir un petit peu. Ouais. Alors, Greg, c'est quand tu veux, c'est pas mes 3. Non. Ah, mais. Ah, d'accord, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Juste un dieu. Quelques-uns. Enfin, un tour blanc, là. Allez, ça va, ok. Celui-ci, c'est la première fois qu'on le présente. Ouais. Et on n'a pas eu trop le temps de conseiller, quoi. Mais... Sans vouloir vous excuser. Seulement 150 ans. 150 ans. Ouais. Vous allez être présent à la casa? Je crois pas. Voyant la peau guérie et le cavalier peint en avant. ses vaincre, je saurais bien mourir. En avant, je veux bien combattre, autant que je sais vaincre, je saurais bien mourir. Mais dis, je me pose la question, mourir pour des idées quand même. Bah, vivre pour des idées, déjà, c'est pas mal. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ok, ok. Mais pour les idées, alors. Hein. Celles-ci, c'est les idées des avocats. C'est le truc des avocats. Je vois que t'es parti sur écouter, je t'écoute avec grand plaisir. Je pose un instant la guitare, je t'écoute sur tes. C'est parce que ça faisait un peu court quand même, non? C'est vrai. Bon, on a que deux, quoi, mais. Après nous, allez, un petit goûter. Ouais. Non, plus. Non, moi j'en ai un peu marre, ça va, c'est bon. C'est l'heure du goûter. Tu m'accompagnes et tout Sur le fondeur de canon? Non, pas sur le fondeur de canon, sur la grande route. Allez, si tu veux, en route, pourquoi pas. Ça, c'est un Bétube de Gaston Couté, quoi. On va s'appeler Gaston Crémieux, Gaston Couté. Voilà. On voulait s'appeler les Gastons, comme nom de scène. Ça n'a pas encore trop pris. Faire que des reprises de Gaston. Genre la gare, Couté, Crémieux, de Fer. En excluant de Fer, tout le monde. Les Gastons Ragan. Passe encore, hein. Nous sommes les crèmes de vin, les bas des pieds, les grands chemins, ce bon homme et sans patrie, et qui montrait dans leur roulet, n'importe une toute la vie. Sur l'avant-route de Gaston Couté, oui. Il a fait... suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres, mais je suis peut-être meilleur au patron que beaucoup des vôtres. Mais c'est mon métier qui veut ça, et ce n'est pas ma faute en somme, si je veux chaque jour mes bras à préparer la mort des hommes. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain, si la guerre arrive. Que voulez-vous, faut un convive. Je fais des outils de trépas et des instruments sur les sûrs, comme un tisseur en fait des draps et le cordonnier des chaussures, en venant d'une chanson où l'on aime toujours sa blonde. Mieux vaut ça qu'être un vagabond qui tend la main à tout le monde. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain, si la guerre arrive. Que voulez-vous, faut bien qu'on vive. Et puis je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières, lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres. Là-bas aux canons ennemis, qui seront les vôtres, mes frères, il faudra que j'expose aussi ma poitrine d'homme et de père. Gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain, si la guerre arrive. Que voulez-vous, faut bien qu'on vive. Ne va pas me maudire, ô toi, qui dormiras un jour peut-être ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître, vu qu'on les petits grandiront. Ne nous maudissez pas, ô mère, moi je ne fais que des canons, ça n'est pas moi. J'y ai fait faire. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain, si la guerre arrive. Je voulais vous faire un convite. Très belle voix. La musique, c'est un mec de YouTube, elle s'appelle Benoît Vera. Il a mis en plusieurs musiques, pas mal de poètes français. Ça va de. Des poètes de l'empereur, de quoi, genre quoi, il y a des romantiques, des Lyon, tout ça, les romantiques, les surréalistes. Et c'est pas mal. Et du coup, il a fait tout un truc avec des poèmes de Gaston Coquet qui est bien aussi. Ouais. En vrai, il y avait quelque chose qui s'est lancé un peu à Brassens. Ouais, bah ouais, c'est typique le truc. C'est ça qui va avec. Dans la musique. Ouais, dans la musique, quoi. Ça, c'est après, lui, je pense qu'il a simplifié. C'est un mec qui ne fait pas. Dit beaucoup le club des poètes à Sanam. Mais genre, un mec qui cherche pas de folie, quoi. Il a un vrai tas à côté. Merci à toi. Nous, on a apporté un peu ces choses. Parce que ça vaut le coup aussi des championnats dans la rue, quoi, pour ça, vraiment. Bon, on s'en fout un peu, ça fait plaisir à la maison. Et du coup, lui, déjà, il avait fait ça en mode Brassens, et nous, on l'a encore simplifié, parce qu'on n'a pas encore le même niveau que lui, quoi. Il y a un autre que j'aime bien aussi, de Gaston Couquet, ça s'appelle le Cantique païen. Il raconte qu'il a quitté sa campagne pour aller en ville, mais il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Du coup, il revient un peu dans son pays natal. Il a les hyper... Non, puis c'est le cantique païen. Les oies, c'est. Les pies. Les pies, ouais. Là, s'il y en a un poème, Gaston Couquet s'appelle Les oies inquiètes. Pour les fêtes. On va voir quoi, les oies, on sert. Il y a 5 fois 5 minutes, mais c'est pas le temps de moi. Je suis parti sans savoir, comme une graine qu'un vent fou enlève et transporte. À la ville où je suis allé, j'ai l'envie comme un grain de blé dans la friche morte. J'ai dit bonjour à bien des gens, mais ces hommes étaient méchants. Comme moi sans doute, l'amour m'a fait saigner un jour, et puis j'ai fait saigner l'amour au long de ma route. descendu bien souvent jusqu'au cabaret où l'on vend l'ivresse trop brève. J'ai fixé le ciel étoilé, mais le ciel hélas m'a semblé trop pour mon rêve. Là de chercher là-haut, là-bas, tout ce que je n'y trouve pas, je reviens vers celle dont le sang coule dans mon sang et dont le grand cœur caressant aujourd'hui m'appelle. Au terroir où je suis né, je reviens pour me prosterner devant les miracles de celles dont les chants sans fin, de notre pain, de notre vin, sont les tabernacles. Je reviens parmi les guéris pour gonfler de son souffle frais ma poitrine infâme, et pour sentir au seuil du soir son âme comme un reposoir s'offrir à mon âme. Je reviens ayant rejeté mes noirs tourments de révolté, mes haines de Jacques, pour que sa grâce arrive en moi comme le Dieu que l'on reçoit quand on fait ses pas. Je reviens ayant rejeté des noirs tourments de révolté, mes haines de Jacques, pour que sa grâce arrive en moi comme le Dieu que l'on reçoit quand on fait ses pas. Notre-Dame des Sillons, ma bonne Sainte Vierge à moi, dont les anges sont les grillons, ô terre, je reviens vers toi. Ouais, c'est le poème mystique, c'est marrant. C'est le poème mystique. Ouais. Pardon ? Ouais, c'est une cette touche comme ça, ça fait un peu de. Ça change un peu. Bon, ben, peut-être que si ça se trouve. Comment ? Oui, oui, ok. Peut-être que si ça se trouve, on retrouvera Greg et Tonio au mois de février pour Brassens. Ouais, ce serait bien, ouais. Ciao, ciao. Mais moi, je suis plutôt en chantant, quoi. En tout cas, merci pour les voix en plus, c'était cool. Là, je fais une stance. La séance de Gaston compliquée, quoi, qui a bien réussi. On va savoir, du coup, c'est bon. On a une autre chanson, là. Bon, ben, merci, c'est rigolo d'avoir. Cela ne vous dirait pas. Ça va, merci à vous, au revoir. Je viens vous chanter, quand même. Ce que mon cœur a aimé, est-ce que vous m'aimez, moi sans être qui vous aime. Oh, je chauffe ma main, mais pas là. Je ne vais pas changer. Donc, il faut que je chauffe les fils. Mais bon, je vais la poser les fils. Mais attends, je bouge avec toi. La séance de la chevelle, elle est bien. La chevelle, elle est bien. On doit aller chercher les vis. Ah, il y avait, moi j'aime bien le chant de Nabio, de Rigolote. Il y avait quoi il y avait, non, on fait. Tonio ! Oui ! Viens déjà, juste là, on fait les pieds. C'est bon, vraiment. Allez, une dernière, allez. Chanter, c'est bon. On reviendra chanter, je pense qu'ils sont ravis de nous accueillir. C'est le cœur gai comme un pinceau, en passant le cours de la voie. quand cela malgré ma chance, voilà que j'ai les bords. À main gauche, vers le soleil, j'ai vu s'envoler les lieux. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma mine. Que se passe-t-il de si grave? À la maison vieille ou fleurie, le giroflée dessus la table et jusque dans le puits. Je vois des gens noirs sur le seuil, quatre chandelles allumées, et sur le bois blanc d'un cercueil, les fleurs poirées et giroflées. À main gauche vers les soleils, j'ai vu s'envoler les filles. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma vie. Se passe-t-il de si terrible? Je vois ma belle allant au puits. Tous les soirs, quand le voisin crible, l'orge pour l'écurie. Et cette gueuse chaque fois, puis jette un brin de giroflée. Il n'en restera plus pour moi, pour fleurir mon jour d'arrivée. À main gauche vers les sous-meurs, j'ai vu s'envoler les pires. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma mine. Ah, que ces choses sont affreuses, et dis-moi que cela n'est pas vrai, et que les pluies sont des menteuses, nos semeurs des guérettes. Ah merde, après c'est quoi mon nom, je ne dis rien. Monsieur de pas de tous côtés, passe, passe le gars qui passe. Laisse venir la destinée et regarde ta vie en face. À main gauche, vers le sommeil, j'ai vu s'envoler les pliers. À main gauche, c'est du malheur, et je songeais à ma mine. Bravo! Ouais, c'est quand même un peu à l'arrache, mais ça se travaille. Ouais, c'est bien de tout changer quand même dans une salle vite comme ça, le son et tout, c'est rigolo. On voit là. Oui, là, ça fait une voilà. Ça. Mais ça se sent dans les églises, l'orgue. Ouais. Ah, les enregistrements, ça n'a rien à voir quand c'est un public ou quand c'est. C'est clair. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien de travailler encore un peu ces deux textes. Bravissimo. Du coup, c'est rigolo quand tu t'intéresses au typon du pays là-bas, les filles et tout, tu vois, c'est. Ah, dans la Normandie natale. Non, là, c'est le pays de la Loire, là, partout, pardon. Oui. Ouais.